Your attention, please. Ah oui, oui, oui. C'est écrit par... Liliane, ça ne dérange pas qu'elle enregistre? J'ai déjà demandé. On a... Alors, d'accord. Merci à vous d'être venu pour la reprise des causeries. On avait la dernière, elle remonte au mois d'avril. Entre-temps, il y a eu le décès de Gilbert. Donc, il s'occupait d'un certain nombre de tâches qu'il a fallu reprendre. Donc, les causeries, on n'en a pas. Bon, en mai, on ne devait pas en faire parce qu'il y avait beaucoup de ponts. Mais bon, en juin, on a arrêté parce qu'il fallait reprendre tout le fichier d'adresse pour pouvoir contacter tout le monde. Et donc, aujourd'hui, on est heureux de recevoir Claude Guillon qui a accepté notre invitation. Alors, qui est venu de Paris spécialement pour nous voir, puis voir Marseille aussi en même temps. Donc, Claude, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, il est écrivain ou essayiste, ou il écrit des livres en tout cas. Et il en écrit pas mal, puisque depuis 78, j'en ai recensé 18, il y en a peut-être plus. Ah oui. Oui, il y en a plus que ça. C'est combien? Non, c'est, je ne sais pas combien. Ah, tu sais pas. Donc, ça fait à peu près un livre tous les deux ans. Et bon, c'est pas si mal. Ouais, c'est pas mal. Hein. Donc, auteur de livres et puis aussi militant anarchiste ou communiste libertaire, parce que tu nous diras les nuances qu'il peut y avoir. Enfin, ça peut être dans la discussion. Une allergie au communisme, peut-être. Au bon communisme. Non, c'est pas sûr. N'hésitez pas à dire, il y a des trucs. Donc, militant, participant à des mouvements sociaux, des soutiens aux réfugiés, tout ça. Donc, on va en parler aussi. Donc, ces centres d'intérêt sont divers et variés. Bon, les premiers bouquins, on en avait beaucoup parlé dans les médias parce qu'avec Yves Le Bonniac, il avait fait deux livres, Ni vieux ni maître et Suicide mode d'emploi. Donc, ça aussi, on pourra revenir dessus si vous voulez. Donc ça remonte aux années 80, fin 79 et 82, ça ne rajeunit pas non plus. C'est ça. Surtout qu'on est là un peu à la même génération, et moi j'ai toujours suivi les livres, j'ai pas tout lu, les 20 bouquins, mais j'en ai lu pas mal quand même, et je les ai lus, et donc c'est la première fois que je rencontre Claude, alors je suis très ému. Donc il a écrit, tu as écrit tu t'intéresses à la révolution de 89, mais à la base, parce qu'on connaît la révolution par les chefs et tout, là notamment au mouvement des enragés, donc deux ou trois bouquins sur le sujet, ça aussi on peut en parler. Le corps, la sexualité, donc des approches un peu originales, on va dire. Il y a un livre qui s'appelle Éloge de la sodomie, par exemple. Après, tout ce qui est politique, international, dommages de guerre, ça parlait du Kosovo, sur comment la démocratie est-elle si démocratique que ça, avec un livre qui s'appelle La terrorisation démocratique. Donc des articles dans les journaux et surtout une grosse activité sur Internet avec des blogs. Donc c'est des billets de Claude qui sont des sortes d'articles, dont un qui s'appelle maintenant Ligne de Force, mais qui avait sûrement un autre nom avant, qui est un blog qui parle un peu de tout, ce qu'on vient de dire. Et puis un blog historique qui est spécifique sur la Révolution française. Voilà, donc alors aujourd'hui on est là pour parler de son dernier bouquin, je crois que c'est un pas eu de pute, donc chez des amis qui est un éditeur très sympathique qui s'appelle Libertalia, qui était sur Marseille mais qui n'a pas pu rester, qui est reparti à midi je crois. Donc c'est un recueil d'articles donc sur ses blogs, sur tes blogs et dans diverses revues, Oiseaux Tempête, Le Monde Libertaire, Ni Patrie, Ni Frontières, Barricata et d'autres, et puis des tracts, parce que tu participes au mouvement et tu fais des tracts, parce que c'est encore un moyen de communiquer qui existe de nos jours. Donc ce livre est un... Bon, je vais m'arrêter parce que sinon je vais tout dire. Est un recueil de textes de 2000 à 2015 qui sont classés par thème. Et ça fait suite à Pièces à conviction, qui étaient des articles de 1970 à 2000. Donc, je crois que je vais te laisser la parole. D'accord. D'abord, tu as évoqué Gilbert, que j'aurais bien aimé avoir le plaisir de saluer aujourd'hui. Donc, vous pensez à ce copain qui nous a quittés. Je voulais vous remercier ensuite d'être là en cette journée du patrimoine, parce qu'il y avait beaucoup d'autres monuments à visiter, donc je vous remercie de m'avoir choisi. Ce qui est gentil de votre part, vous n'étiez pas obligé. On commence par moi, il y a quelques monuments en péril. Là. Oui. C'est presque synonyme, monument en péril. Merci. Merci. Je vais redoubler un peu sur ta présentation, parce que je pense, comme je ne suis pas un auteur très médiatique, je pense que pas mal d'entre vous me connaissent peu. Et d'autre part, c'est pas spécialement pour le plaisir de parler de moi, mais ça permettra de fournir des pistes de discussion. Les textes contenus dans le livre « Comment peut-on être anarchiste » portant sur des sujets très très variés. Alors, un mot sur le titre pour commencer aussi. Évidemment, n'espérez pas avoir la réponse à la question qui est posée « Comment peut-on être anarchiste ?» Au mieux, je peux vous expliquer comment moi je l'ai été, mais sinon ça serait de la publicité mensongère. Il s'agissait de trouver un titre qui puisse, bonjour, qui puisse convenir à un recueil d'articles donc portant sur des sujets très très variés, donc c'était pas facile de trouver un titre. Et puis il y avait une petite dimension humoristique, je pense que tous les gens qui ont un peu fréquenté les milieux libertaires se sont demandé à un moment quelque un moment ou un autre dans leur vie, mais comment peut-on être anarchiste sur ce ton-là? Et voilà, c'était aussi pour avoir cette petite nuance d'ironie façon Montesquieu. Comment peut-on être persan? Comment peut-on être anarchiste? Alors, comme le camarade l'a indiqué cruellement, j'ai 63 ans. Il n'y a pas de lien. Depuis deux jours. Bon anniversaire. On donne ce qu'on veut. C'est important parce que on a connu 68. Et je pense que c'est pour les gens de notre génération, ça compte un peu. Pas toi? Non. Non, juste un tout petit peu trop j'ai jeune. Raté. Ah, c'est trop bête. Parce que ça, si ça n'est pas une révolution qui a réussi, c'est au moins un moment où le fonctionnement du monde s'est interrompu. Par la suite, là, par contre, je pense que tu as entendu dire ça souvent, on nous a répété que c'était pas possible, que c'est un système qui est tellement bien huilé, que jamais ça s'arrête. Et en tout cas, donc pas toi, mais moi, et d'autres ici, je pense, on a vu que tout pouvait s'arrêter. Ce qui est extrêmement rassurant comme constatation. Je suis venu à l'anarchisme par l'objection de conscience, à une époque, je dirais pas bénie, mais enfin, où ça avait des avantages, le service militaire obligatoire. C'était une espèce de rituel de passage, non pas le service militaire de mon point de vue, mais le fait de le refuser. Ça permettait la première bagarre amenée pour un garçon, c'était de se débrouiller avec ça, qu'est-ce qu'on faisait, objecteur, pas objecteur, insoumis, réformé, voilà. Moi j'ai été objecteur, avec le statut d'objecteur, puis insoumis au service civil. C'est-à-dire que je me suis dispensé des deux ans de service civil qui étaient imposés à ceux qui choisissaient le statut. Ça m'a permis de croiser des gens comme Louis Lecoing, rapidement, de bien connaître par contre Mépicret, qui s'occupait beaucoup des objecteurs, et de fréquenter les gens qui tournaient autour de la revue Anarchisme et Non-Violence, André Bernard et d'autres, peut-être certains. Voilà. Donc j'ai d'abord gravité dans ce milieu-là. Je crois bien que j'étais non-violent, je me suis un peu soigné par la suite. Mais j'en ai gardé quelques séquelles, c'est-à-dire que je ne suis plus non-violent, je ne pourrais pas me dire non-violent. Mais la non-violence m'intéresse à chaque fois qu'elle est possible, et j'ai jamais été fétichiste de la baston, des essais d'insurrection, de la barricade, de l'affrontement avec les flics. Je déteste pas, hein, franchement, je vous dis tout, mais je crois pas que c'est nécessairement comme ça qu'on change les choses. Par contre, je pense que c'est indispensable pour un changement social d'envisager cet aspect des choses. quelque chose qui a joué un rôle important dans mon engagement, c'est l'écriture. Ça, c'est parce que quoi ? C'est parce que je me suis laissé convaincre par mes enseignants à l'école, au lycée, que je savais écrire. Il y a eu un malentendu. Comme il me disait que j'écrivais bien, j'ai cru que c'est un truc qui permettait d'avoir des félicitations sans travailler. C'était une erreur. Mais je veux dire, c'est bien, alors c'est ça que je vais faire. Puisque c'est un truc, une rédaction, puis après on casse les pieds à toute la classe en la lisant. Donc je vais faire ça. En fait, il faut bosser quand même, mais donc j'ai beaucoup écrit, un certain nombre de livres, effectivement. Ça a commencé assez fort, comme tu l'as rappelé, par un livre sur les droits des mineurs, il s'appelait « Ni vieux ni maître », qu'on a essayé de faire interdire à la vente aux mineurs, ce qui était logique d'une certaine façon, mais ça n'a pas marché. Puis ensuite, ceci de mode d'emploi, alors là, ça a marché, oui. Le livre a marché, la censure a marché, mais enfin, ça a pris 10 ans quand même. 10 ans d'emmerdement, de procès, de débats, pas vraiment de polémiques, surtout d'assez mauvaise qualité, mais enfin, pour un anarchiste, on peut pas nier que ça fait plaisir d'avoir un communiqué je sais plus combien, si je sais jamais s'il y en a 3 ou 4 églises issues de la Bible, ils sont tous mis ensemble pour faire un communiqué en disant que, en gros, il fallait nous excommunier. C'est flatteur, on peut pas, sans ambition personnelle, je dois dire que c'est assez flatteur. Effectivement, j'ai pas écrit que des livres, j'ai écrit pas mal d'articles de journaux et pas mal de tracts, et tu as bien fait d'insister là-dessus parce que j'y tiens beaucoup. D'abord parce que d'un point de vue littéraire, c'est une forme intéressante, c'est une forme courte. Les formes courtes sont les plus difficiles parce qu'il faut ramasser des idées dans un recto de préférence. Faut que ça soit clair, accrocheur, que ça soit un peu rigolo de préférence, donc il y a plein de contraintes. Et puis c'est un genre qui ne ment pas, puisque tu vas distribuer le papier aux gens, donc tu risques de te faire casser la gueule. Il faut courir assez vite. D'autres fois, ça c'est l'occasion de rencontres tout à fait sympathiques. Directement avec des gens qui connaissent pas ta tête, et voilà. Ça commence à faire un petit peu de temps que je l'ai pas fait, mais c'est un exercice que j'aime bien. Tu as souligné aussi justement l'importance du corps. Je sais pas très bien comment ça s'est fait, ça, mais il se trouve que les premières revues pour militantes dans lesquelles j'ai écrit tournaient autour du corps, de la sexualité. C'était l'époque de la lutte pour la libération de l'avortement et de la contraception, le MLAC, etc. Donc j'ai travaillé dans des revues, une revue s'appelait Tant qu'on a la santé, avec le docteur Jean Carpentier, qui est mort il n'y a pas très très longtemps. Ensuite j'ai bossé dans une revue qui s'appelait Sexpol, qui était une revue inspirée de Wilhelm Reich, le psychanalyste autrichien qui a travaillé avec le Parti communiste allemand sur les questions justement de sexualité et la façon dont on pouvait utiliser dans les années 30 pour essayer de combattre le fascisme les questions d'avortement, de contraception, de santé sexuelle dans la classe ouvrière. Une autre caractéristique peut-être de certains de mes écrits, c'est qu'ils sont assez polémiques, parce que le raisonnement est tout simple, c'est-à-dire que je me dis que si je ne m'ennuie pas en écrivant, les lecteurs s'ennuieront moins en lisant, donc j'essaye d'écrire d'une manière qui me stimule un peu moi-même. C'est un peu un piège parce que on se laisse emporter par le style polémique et quelquefois le contenu en souffre un peu et il y a des choses qu'on peut regretter ensuite. outre le fait que tout le monde écrit des bêtises à un moment quelconque de sa vie. Voilà pour le style et pour le contenu. Donc le corps, moi, est très important, ça l'est resté. J'ai écrit, j'ai publié en 2008 un bouquin qui s'appelle « Je chante le corps critique », auquel je suis attaché parce qu'il n'a absolument pas marché. C'est toujours ceux qui ne se vendent pas du tout qu'on préfère, parce que c'est vraiment un peu perdu son temps. Mais c'est jamais tout à fait vrai, parce que les livres ont deux vies, comme vous le savez, évidemment, comme tout le monde. Il y a la première vie dans les librairies qui est devenue de plus en plus courte, qui est presque, enfin, à moins qu'on soit quelqu'un de très médiatique, c'est un autre point sur lequel il faut que je revienne, c'est un choix que j'ai fait de ne pas l'être, à moins qu'on soit très médiatisé, très connu, la vie dans les librairies, dans le circuit commercial, c'est 15 jours, 3 semaines maintenant, un livre est une météorite. Donc c'est très rare que les choses se passent vraiment là. Donc c'est dans la seconde, puis la troisième, la quatrième et la cinquième vie que les choses se passent, quand les gens se prêtent les livres et qui circulent des années après, alors qu'il n'y en a plus du tout dans aucune librairie, et que, ce qui est très agréable, des gens vous disent que dans tel squat, dans telle association, dans tel club de lecture de quartier, à l'autre bout de la France, des gens ont fait une discussion à partir de tel ou tel de vos textes. Là, du coup, on se dit que non, on n'a pas travaillé tout à fait pour rien. Comme la partie écriture est très solitaire, l'auteur est un peu assoiffé de gratification de ce genre. Il n'y en a pas beaucoup, surtout quand on ne veut pas passer à la télé comme moi. Alors ça, c'est le point sur lequel je voulais revenir. J'ai fait un choix délibéré dès notre premier bouquin, dès Nivellimen, donc avant Suicide Mode d'Emploi et le scandale que ça a suscité. Mais je me suis félicité à ce moment-là d'avoir fait ce premier choix. J'ai fait le choix de ne jamais être photographié, de ne jamais passer à la télé. Ce qui se paye très cher, d'abord parce que les gens doutent de votre existence, parce que quelqu'un qui passe pas à la télé, on a du mal à croire qu'il existe vraiment. Ça développe une pathologie très particulière sur le mode de la... comment les gens ont des visions, comme on dit, des hallucinations. Les gens finissent par vous voir quand même à la télévision, ce qui est assez formidable. Les gens qui m'ont rapporté, des amis m'ont rapporté qu'on leur avait dit « Ah oui, je les ai vus chez Pivot, ils étaient très mauvais. » ça se paye aussi parce que les journalistes ont des protocoles, la quatrième de couverture de Libé, par exemple, qu'on a dû me proposer au moins deux fois, c'est un article et une photo. Si tu dis, moi je vous préviens tout de suite, il n'y a pas de photo, on dit, désolé, il n'y a pas d'article. Voilà. Donc j'ai fait pleurer quelques-uns de mes éditeurs et de mes éditrices, mais pour l'instant j'ai tenu bon sur ce point, parce que j'avais pas l'ambition d'être reconnu dans la rue, ça peut même être très désagréable, ni par ma crémière, voilà. Mais ça suppose ça a pour conséquence de se situer délibérément un peu en marge du système, ce que je trouve très bien, mais le système vous le fait payer, donc il vous laisse à la marge, là où vous avez voulu rester, mais il vous y laisse tranquillement. Ce qui n'est pas ce qu'il y a de plus simple pour faire connaître des bouquins. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont gardé depuis des mois ou des années, ou peut-être depuis juste la semaine dernière, sur le cœur un sujet. Le jour où je le rencontre, il va voir, je vais lui dire, tout ça. Auquel cas, on peut parler de ce que vous voulez. Je ne sais pas trop. Comme il y a à peu près tous les... peut-être ça serait bien si je disais un mot de la manière dont je me situe par rapport aux anarchistes en général. Oui, c'est dans la présentation, je voulais dire que tu étais un anarchiste un peu, comme il y avait En Dehors, il y a un journal qui s'appelle En Dehors, oui. Et tu pourrais être comme ça, parce que tu n'es pas dans une organisation reconnue, ou anarchiste indépendant. Donc. Quand j'étais tout jeune, j'étais très proche de l'Organisation Révolutionnaire Anarchiste, de l'ORA. J'ai vendu, on avait fait là où j'habitais à l'époque en banlieue parisienne un groupe communiste libertaire et on était pas vraiment affilié parce que c'est pas comme ça que ça marchait, mais enfin on était très proche de l'ORA et on vendait le journal de l'ORA qui s'appelait Fonds Libertaire des Luttes de Classe. Ensuite, il y a eu des périodes où je me suis un petit peu plus éloigné du mouvement anarchiste. Il y a aussi eu des périodes où il n'y avait pas tellement de mouvements anarchistes, à mon sens. J'ai fait une tentative il y a quelques années de compagnonnage critique avec la Fédération anarchiste, c'est-à-dire en publiant des articles assez régulièrement dans le monde libertaire pendant quelques temps. Ça a duré ce que dure ce genre de choses, c'est-à-dire que jusqu'au jour où on me dit on comprend rien ton article, puis c'est pas intéressant, voilà. Bon, donc c'était fini. Et du coup, effectivement, non, je n'ai jamais adhéré exactement à une organisation anarchiste. Alors, bien obligé d'assumer ma position, tout en ayant une vieille nostalgie, par moment, dans certains mouvements sociaux, alors que moi je vis à Paris, donc c'est là que j'y participe, je sais pas, des mouvements comme il y a eu contre les lois sur les retraites, des choses comme ça, et de constater qu'il n'y a pas un seul groupe anarch qui est foutu ni de vendre un journal dans des manifs de 200 000 personnes, ni de faire un tract correct. Je dis quand même, on devrait pouvoir faire ça quand même. Ce qui fait que je me suis plutôt replié sur des revues, pas strictement anarchistes, justement, où se retrouvaient des gens d'horizons relativement variés. Enfin, pas tant que ça non plus, c'est-à-dire en gros des anars, des marxistes anti-autoritaires, des gens vaguement situationnistes, des gens venus un peu du surréalisme, voilà, dans des revues très mouvementistes comme la revue Mordicus, ou un tout petit peu plus théorique comme la revue Oiseau Tempête. Et dans ces revues, moins dans Oiseau Tempête, mais beaucoup avec Mordicus, par exemple, c'était un fonctionnement qui m'allait assez bien, c'est-à-dire que on faisait une revue ensemble, et en même temps, quand on était sollicité par les événements, on faisait des tracts, on faisait des affiches, des numéros spéciaux des journaux, et du coup, en rameutant les copains de tous les gens. À Mordicus, on était quand même entre 30 et 40 à faire le journal, ce qui n'est pas rien. Ce qui fait que, en rameutant les copains, les copines, les copains de copines, etc., on pouvait facilement être une centaine pour distribuer un tract dans une manif parisienne, ce qu'aucune organisation anarchiste n'est capable de faire depuis 30 ans à Paris. Voilà. Ce qui fait que, finalement, ça fonctionnait de ce point de vue assez bien. L'inconvénient, ce genre de rassemblement un peu hétéroclite, c'est qu'en général, il s'use, parce que il y a des tensions, pas forcément dues, d'ailleurs, aux différences d'orientation politique, mais voilà, au bout de quelques années, les gens en ont marre de faire des trucs ensemble. On dit beaucoup que nous autres Français, nous sommes pas très doués pour les entreprises alternatives, en tout cas à Paris, c'est assez vrai. Les locaux, il y avait un local qui était très proche de la revue Mordicus, en gros c'était les mêmes, quoi, qui faisait tout ça, qui s'est arrêté au bout de quelques années. La longévité est assez courte de ce genre de choses. Donc finalement, j'ai beaucoup plus milité dans des groupes hétérogènes que dans des groupes strictement anarchistes. Et du coup, en partie pour ça et en partie parce que j'ai jamais... j'ai l'habitude désagréable de dire ce que je pense et je me réfère à la remarque précédente sur la polémique, je le dis souvent de manière un peu ironique, voire caustique. Je passe pour un emmerdeur épouvantable. Alors, on a beaucoup de mal à me qualifier. Moi, je me considère évidemment comme anarchiste, ça c'est une façon, je dirais, globale. Ça m'est revenu à, vers après la victoire de la gauche. Il y a une période où ça me paraissait moins pertinent d'utiliser l'étiquette anarchiste. Puis avec l'arrivée de la gauche au pouvoir et le fait que c'est pas une espèce de comment dire d'esprit bisounours qui s'est généralisé, j'ai pensé que c'était de nouveau pour moi pertinent de me réclamer de l'anarchisme, et sinon je me suis toujours considéré comme communiste libertaire d'un point de vue politique, même si j'ai une vieille sympathie pour certains anarchistes individualistes, les questions d'amour libre, tout ça, ça m'a beaucoup intéressé, donc j'ai lu pas mal les individualistes aussi. Mais du coup, alors les anarchistes ont beaucoup de mal, surtout les anarchistes organisés ont beaucoup de mal à me situer, donc je lis des choses. Sur Wikipédia, il y a une formule que j'ai oubliée. Tu t'en souviens peut-être, moi il doit y avoir à tendance situationniste, je ne sais pas. Oui, c'est ça, c'est... Communiste libertaire à tendance situationniste. Bah oui, comme ils savent pas, ils disent on va tout mettre, ça va être plus simple. Oui, j'ai été traité aussi de communiste libertaire spontanéiste. Ce qui est pas mal finalement d'ailleurs. C'est peut-être pas très facile à concilier, mais ça me plaît assez comme idée, parce que je suis effectivement spontanéiste au sens où je pense que le peuple a des capacités autonomes de création politique, et c'est pour ça que je m'intéresse à la Révolution française. Et communiste libertaire, parce que c'est ce qui me paraît le communisme et le système de mise en commun qui me paraît le plus intéressant, et il est bon de préciser libertaire pour ne pas risquer de confusion avec des systèmes autoritaires et staliniens. Ces dernières années, j'ai effectivement beaucoup travaillé sur la Révolution française et probablement, je continue à le faire. Et je continuerai encore pas mal, d'abord parce que je crois que ça m'intéresse, ensuite parce que je pense que l'étude... D'abord, je suis sorti de l'école en ne sachant rien, je ne sais pas où vous en êtes vous, mais moi je suis sorti de l'école en ne sachant rien sur la Révolution française, enfin je m'en suis aperçu en travaillant un petit peu... J'avais l'impression d'avoir quelques bases. Non, c'était une illusion. Je ne savais rien du tout, vraiment. Je n'avais rien compris. Moi, j'ai découvert la Révolution française après l'école avec le bouquin de Kropotkin, La Grande Révolution. Je ne sais pas excellent, ce que tu en penses. Ça reste un excellent livre. Et là, j'ai tout découvert parce qu'à l'école, on ne nous avait pas du tout dit ça. Voilà. C'est un très bon livre qui est un peu daté du point de vue de sa documentation, mais qui reste un bon livre de base. Moi je recommande pour aborder les choses. Il y a aussi le bouquin de Guérin, Bourgeoise et Bras nus, mais je dirais dans un deuxième temps, qui a été réédité chez Libertalia, pour lequel j'ai eu le plaisir de faire une présentation. Je dis plaisir parce que Guérin était un ami pendant les... Daniel Guérin était un ami pendant les 10 dernières années de sa vie à peu près, grosse dizaine d'années, donc c'est une espèce de devoir et de plaisir filial d'assurer la transmission, de contribuer à la transmission de son travail après sa disparition. Et donc je pense que quand on travaille sur la Révolution française, et notamment sur les courants les plus radicaux, moi en tout cas je trouve ça extrêmement rassurant et encourageant pour le présent, vraiment. Alors, c'est un, à peu près le seul point qui n'est pas traité dans le livre là, qui est le prétexte de notre réunion aujourd'hui, parce que j'ai publié d'autres livres à côté, il y en aura d'autres qui vont sortir, donc il y a quelques allusions, mais pas de texte sur la Révolution. Par contre, j'ai publié ce bouquin-là, que je vais arriver à... il y a déjà un bon moment, en 94, c'est la biographie de deux militants, une militante et un militant du courant des enragés. J'ai publié plus récemment un petit recueil de textes qui s'appelle « Notre patience est à bout », dont une version augmentée et revue va sortir dès que je l'aurai fini. Je suis un peu en retard. Je prépare avec les éditions Libertalia et une société d'historiens qui s'appelle bêtement, enfin j'aime pas ce nom, mais bref, ça s'appelle la Société des études robespierristes. Je suis moi-même très peu robespierriste, mais enfin bon. C'était pas inintéressant d'y rentrer, la preuve c'est qu'on a, tu vois, pour ceux qui savent pas du tout, c'est une société d'historiens qui il n'y a pas très très très très longtemps, quelques années, était quand même très marquée du côté stalinien encore, et qui a un petit peu bougé, puisque voilà, quelqu'un comme moi peut rentrer au conseil d'administration et contribuer à faire aboutir un projet qui est la traduction en français d'une biographie de Jacques Roux, qui était un curé, ce qu'on appelle un curé rouge, hein, et qui va paraître chez Libertalia. Donc, avec un co-responsable d'édition anarchiste chez un éditeur anarchiste, ce qui est inimaginable il y a 10 ans. Ouais. Voilà. Donc, autre projet sur la Révolution. Pourquoi ça m'intéresse en deux mots? Parce que je pense que la prochaine Révolution que j'espère contribuer avec toute la modestie qui s'impose dans ce domaine à faire advenir, je pense que ça sera une révolution sans bagage et sans théorie. On a des pleines bibliothèques, c'est le moment et le lieu de le dire, sur les expériences du passé, et quelquefois ça pèse lourd à la fois sur les rayonnage des bibliothèques et sur nos pauvres épaules, pas seulement parce qu'il y a beaucoup d'échecs, il y a des échecs, mais il y a aussi plein d'expériences constructives, mais c'est difficile, et j'ai l'impression que pour pas mal d'entre nous ça induit une espèce de pessimisme, tu vois. Si, on fera jamais mieux que 36 en Espagne. Alors, le retour à 89-93 est très intéressant parce que eux, ils n'avaient pas de bibliothèque. Ils n'avaient pratiquement pas de passé révolutionnaire. Il y avait un passé émeutier dont la transmission n'est pas évidente, en plus, transmission orale, hein, pas décrit là-dessus. Le guerre d'indépendance aux États-Unis et révolution anglaise, c'est à peu près tout, c'est-à-dire pas grand-chose. Et ils ont quand même fait la première grande révolution avec une inventivité absolument extraordinaire. Donc ça veut dire que c'est possible, et que ce qui a été fait accessoirement sans électricité, sans antibiotiques, sans internet, sans portable, sans contraception, sans tampons périodiques, etc., en principe, on devrait pouvoir faire aussi bien avec tout ça. Maintenant, on est quand même un peu mieux équipé. Donc, c'est en ça que je pense que l'étude de la Révolution de 89 est très encourageante pour le présent et pour l'avenir. Et c'est pour ça que je continue à travailler là-dessus. Peut-être, oui. Merci de me permettre de boire une gorgée d'eau. Vas-y. Je voulais rajouter par rapport à cette période-là, tu dis qu'ils n'avaient pas de bagages, ils n'avaient pas autant de rayonnage, mais je ne sais pas si vous pouvez expliquer le dit, mais il y avait des philosophes des Lumières. Mmh. Voilà. C'était juste pour rappeler le peuple de base. n'avait pas accès aux ouvrages. Un tout petit peu, mais très peu. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de... tu vois, tout le monde avait entendu parler de Rousseau. Probablement tout le monde en avait lu ou s'en était fait lire un passage ou deux, surtout après les débuts de la Révolution, parce qu'il a été énormément cité. Enfin, c'est une espèce de vulgate vulgaire, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire pas grand-chose. Alors il y avait une espèce de bain, si tu veux, comme ça. Mais enfin, de fait, même chez les gens qui n'étaient pas analphabètes, au sens strict, quand je dis qu'ils n'avaient pas de bibliothèque, c'est apprendre au premier degré. Voilà. Éventuellement une Bible, voilà, et quelques ensuite, après le commencement de la Révolution, quelques journaux, quelques brochures. Enfin, tu vois, les gens commençaient à quand ils se font arrêter, on trouve des papiers chez eux. Mais au départ, ils avaient vraiment un bagage très très mince. Mais c'est pas une critique, au contraire. Mais la mise en question quand même de la religion aussi. Alors, problème délicat, problème très difficile à analyser, parce que il y a des gens qui n'en parlent jamais, ce qui est déjà en soi un signe tout à fait remarquable. Mais comme ils n'en parlent pas, on ne sait pas pourquoi ils n'en parlent pas. Ils disent pas et je ne parlerai pas de la religion, juste ils n'en parlent pas. Et au début de la Révolution, la Révolution s'est faite en symbiose avec une moitié du clergé. Il y a eu une séparation, ça a été d'ailleurs une espèce de victoire, ou en tout cas de phénomène positif. Le clergé s'est scindé en deux. Et tout le bas clergé, et pas seulement, a rejoint la Révolution. Alors, avec quelquefois des arrière-pensées, sans doute, hein, un peu manipulatrices, un peu... On va pas laisser partir nos ouailles, tu vois, si on peut être là, c'est pas mal. Dans les petits patelins, le curé, c'est celui qui sait écrire, donc il est secrétaire de la Société Populaire. Mais enfin, si tu laisses de côté les éventuels... intentions cachées, c'est quand même un phénomène assez important, c'est que, en gros, la moitié du clergé soutient la Révolution, puis pas... Alors, c'est pareil, puis c'est pas s'ils sont complètement sincères, s'ils jouent un peu la comédie, tu peux pas savoir. Mais ils s'engagent vraiment. C'est-à-dire qu'ils bossent, ils participent, ils sont dans les cérémonies, tu vois, ils se comportent comme des militants révolutionnaires. Voilà. Alors, après, il y a... je sais pas s'il faut... Il y avait deux demandes d'intervention. D'accord. Ensuite, il y a la question de ce qu'on a appelé la déchristianisation, c'est-à-dire une opposition militante à la religion, qui a ma sympathie en tant qu'anarchiste et en tant qu'antithéiste, qui n'était peut-être pas une très bonne idée stratégique, si tu veux. Parce que ça a... repousser dans le camp de la contre-révolution des gens qui étaient assez disposés à... C'était un mouvement tellement général à composer, un peu de religion. Les réunions se font tout naturellement dans l'église du lieu, parce que c'est la grande salle où on peut se réunir, puis on a l'habitude de se réunir. Et après tout, il y a des curés qui ont pris le virage, mais alors, tac, tu vois, comme ça, hein, tu expliquais que là, on te parle de sainte constitution, la révolution, c'était quasiment le royaume de Dieu sur la terre, il y en a qui le disaient comme ça. Donc, il y a une partie de la population qui dit, bon, ben pourquoi pas, partons comme ça, quoi. Et puis, ça c'est, voilà, au fur et à mesure qu'il y a eu des radicalisations aussi sociales et politiques, il y a eu une radicalisation sur cette question-là aussi. Mais c'est parti dans une ambiance assez de grande confusion et de au moins de cohabitation, disons. Voilà. À son Sénat, puis après. On peut peut-être comprendre qu'une partie du bas clergé se soit portée dans cette lutte révolutionnaire, parce qu'après tout, ils partageaient la même misère que les paysans ou les ouvriers, etc. Donc, bon. Bien sûr. Je crois que Jacques Roux, Je crois que c'est lui qui disait il faut prendre les boyaux des meilleurs pour prendre les pires. C'est pas lui, un nom du même genre. C'était pas tout à fait l'objet de mon intervention. C'était le curé Millier. On a eu quand même des gens comme l'abbé Grégoire, qui ont été assez fantastiques au point de vue de l'éducation, notamment la création du Conservatoire des Arts et Métiers avec Condorcet, etc., etc. Mais je voulais te poser une question personnelle. Tu as dit tout à l'heure que tu ne voulais pas te faire photographier et que tu ne voulais pas passer à la télévision. Est-ce que tu regardes la télévision? On peut couper l'enregistrement. Oui, ça m'arrive, oui. Ça m'arrive. Alors, je regarde pas les infos, mais je suis assez intoxiqué aux séries télévisées. Puisque ça n'enregistre pas, je peux vous dire que Arrow, Blacklist, je suis assez. Mais je préfère éviter le choc de me voir en plus, si tu veux, sur l'écran. Oui, mais lui, il pense tous les matins en regardant dans la glace. Mais c'est bien assez. Mais non, mais tu vois, j'ai renoncé. Vas-y. Vous parliez de l'inventivité extraordinaire de la période 89, que vous arrêtez à 93, l'inventivité. Et quels exemples vous pouvez donner de cette inventivité? L'inventivité sur les questions qu'on se pose toujours, c'est-à-dire qui détient le pouvoir, qui est détenteur du pouvoir. Alors, pendant la Révolution, on dit c'est le peuple est souverain, d'accord, mais enfin, la formule est un peu vague. Et comment il va exercer sa souveraineté? Et par exemple, le débat qu'il y a immédiatement, dès la fin 89, c'est-à-dire tout de suite après le 14 juillet, quoi, hein, pratiquement, on s'y met immédiatement, c'est le débat entre démocratie directe, mandat impératif, ou représentation, avec des députés. Et ça se bagarre entre les districts de Paris, qui vont devenir les sections et qu'on appellerait, nous, des arrondissements, prétendent bien contrôler leurs délégués, c'est-à-dire leur donner des mandats impératifs, c'est-à-dire les révoquer quand ils font autre chose que ce qu'on leur a demandé, et l'assemblée communale provisoire qui dit non, nous on a été désignés, on va faire le travail, on n'a pas du tout besoin que les districts. Ça a peine commencé, on est dans des débats sur l'organisation sur quelle démocratie avoir. Alors tu me diras, vu de cette façon, c'est pas complètement rassurant qu'on en soit encore au même point sur les questions, sur ces questions-là. Mais c'est vachement intéressant de lire les textes. J'en ai reproduit là dans le recueil dont je parlais, Notre patience est à bout. La qualité politique de textes qui sont rédigés par des gens qui pour les plus lettrés étaient avocats, si tu veux, c'est les plus ceux qui avaient le plus de culture, mais qui se sont mis immédiatement, c'est difficile à expliquer, en prenant au pied de la lettre ce qui se disait, si tu veux. On a dit le peuple est souverain. Et bon, bah alors, le peuple, c'est nous. Donc, c'est nous qui exerçons la souveraineté. Donc, toi, tu vas nous représenter, mais tu reviens nous dire ce qui s'est passé, etc., etc. C'est assez étonnant à voir. Quand tu compares avec, par exemple, le compte-rendu d'un débat parlementaire dans le journal officiel aujourd'hui, le niveau a considérablement baissé. Considérablement. C'est vrai aussi, d'ailleurs, quand tu prends les débats de l'Assemblée nationale constituante, hein, ça n'a rien à voir, quoi. Il y a un niveau... C'est-à-dire, autrement dit, depuis la boulangère, si tu veux, qui très très vite apprend des trucs, comprend des choses dans la pratique politique, et parce qu'il y a une émulation générale, apprend aussi à rédiger des textes, à les lire en public. Il y a une mobilisation collective, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de ça. Nous, on sait tous ce que c'est qu'une assemblée générale, ou tu vois, une délégation, un porte-parole, on a tout le temps entendu parler, on l'a fait dans des assos, des trucs. Là. J'ai envie de découvrir ça. Cette parole d'en bas, là, tu parles, tu dis à partir de quelle source, de quel document, quelles sont les sources qu'on peut avoir sur cette parole qui est. Ouais, y en a... caché, en fait. Bah, par exemple, moi, je travaille... c'est repoussé à cause du bouquin sur Jacques Roux. Mais je vais... Le livre d'après, donc, le, je ne sais plus combien tu disais, 19e, pardon. C'est sur les clubs de femmes pendant la Révolution. Alors, il faut aller chercher un peu la documentation parce que... Elle a été, sauf dans quelques villes particulières où il y avait des gros clubs, et là en général il y a des monographies, ça a intéressé un peu les historiens. Pour le reste, c'est tellement bizarre, c'est même signalé de manière, avec des propos égrillards, tu vois, par les historiens locaux. Ils disent, pouhou, il y a même des femmes qui sont venues. Bon. Alors, faut endurer ça, et voilà. Mais au moins tu sais comme ça que. D'une certaine façon, tu bénis leur connerie parce que sinon, tu n'aurais peut-être pas su que ce jour-là, il y avait une délégation. Et ça veut dire qu'il y a des femmes qui se sont réunies, qu'elles ont désigné une porte-parole, qu'elles ont rédigé un texte que cette porte-parole devait lire. Il y a des processus comme ça de politisation collective qu'il faut repérer avec des choses. Quelquefois, c'est un peu de l'archéologie. Il faut y aller à la brosse à dents très doucement, des toutes petites choses. Et puis, quelquefois, on a des brochures carrément, des textes. J'avais été à Pau il y a 2 ans aux Journées Libertaires et pour travailler là-dessus. Et là, à Pau, il y avait un club de femmes important, donc il y a des brochures, plus de matériel. Les historiens classiques recensaient une 60aine de clubs de femmes. Alors, j'ai pas regardé ça depuis longtemps, du coup, moi je crois que j'en suis à peu près à 150. Et sûrement on peut en trouver d'autres. Voilà, donc il y a des documents. On les trouve à la fois dans les archives. Alors, le problème c'est qu'on peut pas. Enfin, on peut, mais il faudrait des équipes de chercheurs, tu vois, pour écumer déjà toutes les archives départementales, les archives municipales. Bon. Mais déjà, en essayant de lire tout ce qui a été publié par d'autres et en tamisant tout ça, on trouve quand même pas mal de choses. Et quand on a l'impression qu'il y a quelque chose de particulièrement intéressant, il faut aller sur place et on trouve, voilà, des brochures, des discours, il faut éplucher la presse d'époque. Et dans des endroits où on te dit, où des historiens qui ont une vision un petit peu juridiste et administrative, tu vois, te disent, il n'y a pas de club de femmes parce qu'il n'y en a pas eu qui a été déposé à la municipalité avec un règlement officiel, machin, quelquefois tu trouves la trace de plusieurs. Si t'as pas une vie, tu vois, des exigences bêtement juridistes, moi ce qui m'intéresse c'est ce que les gens font vraiment, quoi. Il y a plein de documents. Francis ? Oui, je voudrais avoir 2 ou 3 précisions. Tout à l'heure vous avez parlé de Wikipédia. Alors moi j'aime bien y aller parce que je connaissais de nom, mais je n'avais jamais parlé de Philippe. Et donc il est présenté comme écrivain. Oui. Alors, qui est-ce qui rédige un texte comme ça ? Et alors, c'est que tu as une présentation d'une personne, je sais pas. Tu as écrit dernière modification de cette page le 5 juin 2015 à 19h14. Alors, il y a quelqu'un qui modifie ce qui est dit sur toi. Alors, tu sais pas, c'est pas toi qui l'as. Ah non, alors moi j'ai un principe. Ouais, parce qu'il y a certaines notes sur Wikipédia, c'est absolument évident que c'est le mec lui-même qui l'a fait. Alors, et voilà, c'est pour ça, je pense, c'est pas toi. Je réponds point par point. D'accord, vas-y. Bon, alors Wikipédia. Je suppose que tu ne regardes jamais Michel Onfray. Et pourtant, je le connais parce que dans la présentation, j'ai dit que c'est. Hélas, il m'arrive. Pardon, il nous expliquera pourquoi, et alors je suis content. On n'a pas entendu la question sur Onfray. Sur Onfray, la question passe sur comment, pourquoi tu l'as connu et pourquoi tu dis que c'est une baudruche. Oui, une baudruche. Ah, une baudruche, oui, bien sûr. Ensuite, la dernière truc, tu as parlé de mandat impératif. Ça me fait plaisir que tu emploies ce mot, parce qu'on parle toujours de démocratie, mais les gens n'emploient jamais le mot démocratie représentative. Et ça m'énerve énormément. Et oui. Il faudrait que les gens connaissent là, ce qu'est le mandat impératif. Alors, et les innocents ne savent même pas que c'est écrit dans la constitution du général de Gaulle, où il est écrit le mandat impératif n'a aucune valeur. Voilà. Oui, absolument. Alors, petite parenthèse, on a fait, il y a quelques années, on avait fait venir un copain qui s'appelle Pierre-Henri Zedman, qui a fait un bouquin sur le mandat impératif, et on avait fait une causerie oui. là-dessus. Effectivement, le mandat impératif est interdit par la Constitution. Absolument. Merci. Alors, Wikipédia, c'est extrêmement agaçant de lire des âneries sur son compte, mais j'ai pris, sur son propre compte, sur le compte des autres aussi d'ailleurs, mais j'ai pris le parti de ne pas m'en mêler. Parce que, tu vois, sinon il faut, déjà, j'ai assez de boulot à faire du travail de veille sur Internet sur les sujets qui m'intéressent, s'il faut que j'aille voir tous les soirs. Si on me traite d'assassin ou de violeur ou de pédophile, d'aller rectifier le truc, puis alors le mec va revenir derrière, si, genre, non, jamais, je... Voilà. D'ailleurs, je ne vais pas non plus contribuer aux notices, par exemple, sur les enragés pendant la Révolution française, parce que, je veux dire, tout est dans mes livres, tout est sur mon blog La Révolution et nous, si les gens qui font... un papier sur les enragés sont pas foutus d'aller chercher les informations chez moi, c'est gratuit, c'est en libre accès, ça va, c'est pas moi qui va, vous savez, je suis spécialiste, et là ce que vous dites c'est pas telle date et telle là, donc Wikipédia je n'y touche pas, voilà. On ferait, ça c'est ça. On ferait mieux se taire, c'est un plat de résistance ça. On ferait. Alors c'est un cas intéressant, hein. C'est un cas intéressant. Au début, moi j'ai lu son petit bouquin sur les cyniques grecs. Petit livre, excellent bouquin. Hein? Très bon bouquin. Et j'avais entendu aussi les conférences qu'il a faites là-dessus. Et je le trouvais très clair, très... Je ne sais pas ce qui lui est arrivé à ce garçon. Je sais pas. C'est progressivement ou un. La gloire. Alors la gloire peut-être, oui. La télé. Très mauvais. Très mauvais. Ou un virus, enfin bon. Bref. Il s'est dit, ou je sais pas, Dieu lui a parlé, toi, un rayon qui est descendu. Tu es chargé de réviser la totalité de la connaissance humaine. Si je m'y mets tout de suite, et voilà. Alors il fait Freud, il prépare un Marx, il dit. Forcément, tu dis des conneries, tu vois, je veux dire, dis, aucun problème, j'ai tout lu cet été, tu vois, non, ça, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Donc, voilà, il est parti dans un délire, tu vois, bon. Après, il y a ses positions, ce qui fait qu'il a perdu, à mon sens, ce qu'il avait d'intéressant, c'est-à-dire sa capacité qui était réelle d'enseignant, quoi, de présenter des choses de manière synthétique, voilà. Après, il y a ses positions politiques. Là, les choses sont très claires, c'est un ennemi. Quelqu'un qui me dit que, un, il est libertaire, et deux, il est pour un capitalisme libertaire. Merci, suivant. On vous écrira, disait, ben, voilà. Alors, sauf qu'il a une notoriété considérable. Ses bouquins sont en tête des ventes d'essais régulièrement, c'est la fois il y a meilleure vente des essais. Oui, bien sûr. Ouais. Et alors, en plus, il y a un effet boule de neige, c'est-à-dire que comme c'est ça que les gens ont envie de lire, c'est ça qu'ils demandent à leur bibliothécaire aussi. Ce qui fait qu'on fraye dans toutes les bibliothèques. Moi, j'ai regardé une fois, je veux dire, je le ferai plus jamais parce que c'est. Il faut que j'augmente ma dose d'antidépresseur, je multiplie par 3 pendant une semaine parce que il y en a un là. Puis en plus, même, il n'y a rien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Il n'y a même pas un truc comme ça sur les enragés qui est un bouquin de fond. Ouais. Et enfin, c'est catastrophique. Tandis qu'ils achètent tous les onfraies qui paraissent parce que les gens viennent leur demander. Il y a un cahier, machin, les mecs, onfraies, voilà. Alors, ils achètent onfraies. Voilà, qu'est-ce que dire ? Voilà, il est pour un capitalisme libertaire, il est proudhonien, je ne sais pas s'il a dû lire tout Proudhon un été, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas très proudhonien. J'ai commencé mes lectures anarchistes par Proudhon. Non, je ne suis pas un spécialiste de Proudhon, hein. Je ne peux pas prétendre. C'est quand même un misogyne gravement atteint, Proudhon. Hein. Voilà. Là, tu as parlé de Daniel Guérin, il avait fait un bouquin, c'est Proudhon, oui et non. Oui. Parce qu'il y a des choses intéressantes sur le fédéralisme, oui, tout ça, voilà, qui ont d'ailleurs été utilisés par nos ennemis à l'extrême droite. Aussi. Et puis de l'autre côté, effectivement, on peut trouver des textes antisémites, antifemmes, etc. Il y a des royalistes qui se réclament, ouais, des cercles d'eau, ouais, et des royalistes. Fin de la parenthèse. Bon, la femme au foyer, d'ailleurs, c'était sa théorie, mais il disait que c'était parce qu'il ne voulait pas que les femmes soient... travaillent dans les conditions abominables dans lesquelles travaillent les gens. Ça, bon, c'est ça. Ça, ça, ça, ça, oui, mais bon, certainement. Mais c'est aussi au foyer. Bon, voilà, donc, c'est une espèce de la tentative d'Onfray, c'est une espèce de... Il appelle ça un post-anarchisme, hein, d'ailleurs, je crois. Le drame, c'est qu'il est, il a été surtout promotionné par les anarchistes, quoi. Au début, oui. La librairie Publico a toujours ses derniers bouquins et tout. Oui, je crois que maintenant c'est passé vraiment. Mais au début, oui, mais alors parce que les il faut vous dire, les ça, je on peut pas couper à chaque fois, mais je vais énoncer un cliché raciste. Les anarchistes sont de grands enfants. Il y en a qui ont le sens du rythme, et ben les anarchistes sont de grands enfants. Ils adorent qu'on s'intéresse à eux. Ça les flatte, ils se tortillent, ils rosissent, c'est gentil, voilà. Et donc ils font très bon accueil à toutes sortes de crétins venus de n'importe où. Qui viennent les voir en disant comme vous êtes sympathique, voilà. Et donc ils font un bon moment pour et une grosse dose d'ânerie pour qu'ils se disent non là quand même ça pose un problème, quoi. Mais voilà, moi j'avais écrit au Monde Libertaire en leur disant vous invitez à parler pour cette raison là parce qu'il est connu, parce que ça les flatte, parce que machin, lisez ce qu'il écrit sur vous. Ouais. Non, Lydie Salvert, elle a été aussi interviewée dans un numéro spécial hors série du Monde Libertaire. Excuse-moi, un bouquin de Lydie Salvert, pas pleurer. Je ne l'ai pas lu. C'est un autre. Bon, ça va. Je ne l'ai pas lu. Après, il y avait l'université populaire. Il a pu faire illusion parce que ça reprend une tradition universitaire. Ah mais il y a des tas de raisons qui peuvent. Oui, bien sûr. Aussi l'appréciation qu'on peut avoir sur ce personnage. Moi, je crois que c'est pas la peine d'en parler beaucoup. Le problème, c'est qu'il se fait encore quand les médias, la télé, tout ça, ont besoin d'un anarchiste de service, ils vont le chercher. Et le problème, c'est qu'il est vu toutes les conneries qu'il a pu écrire. Et puis il n'est pas de notre côté, comme tu as dit. Non, je crois vraiment pas. Et puis après, on a eu le cas, tu n'as pas parlé du bouquin sur Camus. Le bouquin sur Camus, c'est une escroquerie, parce que tout le long, et on a un ami ici qui s'appelle Lou Marin, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui a publié les écrits. Oui. Ah, ça, qualifier Camus d'anarchiste, c'est peut-être un peu trop fort, mais c'est quelqu'un qui était compagnon de route, qui avait de la sympathie. Et donc le bouquin de Lou Marin, c'était quand même quelque chose d'intéressant, mais il a eu le malheur d'être publié chez Grégor, une maison libertaire, donc il a eu un succès limité. Enfin, après, il a été repris par Indigène, il a eu une deuxième vie. Et mon frère arrive là-dessus, c'est moi qui ai découvert que Camus est anarchiste. Bah, et on dénigre tout ce qu'ont fait les anarchistes avant lui. Parce qu'il y en a d'autres, il y avait des petites brochures de je ne sais plus qui. Mon frère, il n'est pas anarchiste, voilà. Il est libertaire. Oui, mais bon, bah, peu importe, jouons pas sur les mots. Pour nous, c'est pareil, pour lui, peut-être pas. Mais disons que c'est un escroc en plus. C'est quelqu'un qui fait un bouquin sur Camus, nie totalement ce qui a été fait avant lui. Et en plus, dans le bouquin, on parle de lui ou d'autres choses. Voilà. Mais sur les enragés, pareil. Hein. C'est sa méthode. C'est d'ailleurs une méthode de... comment on appelle les gens qui vendent des trucs dans la rue, là. Bonimenteur, ou bonimenteur, voilà, très bien. C'est une méthode de bonimenteur, mais il s'y tient. Quel que soit le sujet qu'il aborde, il dit « Je suis le premier à en parler. Et je vais vous révéler tout. » Donc, alors il dit, par exemple, il a quand même cité Guérin, tu vois, dans ses trucs sur les enragés, mais en disant que Guérin était totalement obligé de... sauf qu'on le réédite, quoi, tu vois, mais et que c'était très vieux et que personne n'en parlait plus et que c'est ça, quand même là, ton cœur rate quelques battements, tu vois, t'entends à la radio que et malheureusement personne ne travaille plus sur les enregistrements. Moi. Donc il ment, quoi, ça, clairement. Mais c'est sa façon de présenter. Il refait la même chose à chaque fois. Parce que c'est comme ça qu'il tient son public. Je vais vous révéler une vérité cachée depuis les débuts du monde. Voilà. Et il fait ça. Voilà. C'est pas bête, hein, comme méthode, c'est pas mal. Voilà, voilà. Mais en plus, oui, c'est malhonnête parce que. Ouais. Alors, c'est clairement malhonnête parce que sur des sujets que je connais, comme les enragés, ouais. je vois très bien. Qui cite un livre, donc qui connaît, ce qui entraîne nécessairement qu'il connaît aussi l'éditeur. Ouais. Donc on sait qu'il ment. C'est pas juste parce que tu vois quelqu'un peut rater une référence. C'est pas là, on sait très très bien que il écarte les choses. Ah, ouais. Oui, il sait et il fait son choix. Bon, voilà. On arrête avec Confrère. Ouais, oui. Tu vois, c'est pas la règle de. Il y avait une troisième élément à sa question, non? C'était le mandat impératif, c'était une remarque plus qu'une question. Est-ce que vous avez envie de parler de quelque chose? Chomsky. Ah, Chomsky, oui. Ah, Chomsky. Ouais. Alors, c'est tout autre chose quand même, hein, Chomsky. Oui. Il ne boxe pas dans la même catégorie. Parce que, d'abord, Chomsky. Ne se dit pas libertaire, il est beaucoup plus modeste. À la fois, il est adhérent d'un syndicat libertaire, mais il se prétend pas un théoricien anarchiste. Il proclame des sympathies pour l'anarchisme et pour le mouvement anarchiste, mais il prétend pas incarner l'anarchisme moderne, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Alors, ce qui est un peu gonflant, c'est qu'il est aussi très, très médiatisé que... Du Chomsky, à un moment, il y en avait des pleines tables dans les librairies. Mais enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, moi, je l'ai critiqué, justement au moment où il y avait beaucoup de traductions en français, y compris promotionnées par des camarades, hein, des gens que je connais bien. Il a une position assez réformiste, finalement. C'est-à-dire que l'image qu'il utilise, c'est que c'est toujours mieux de repousser les barreaux de la cage. Alors, quand t'es dans la cage, c'est vrai. Tant qu'à faire, si tu peux repousser les barreaux, si tu peux repousser les barreaux, t'as plus d'air, moi je veux bien, j'ai rien contre le fait. Mais si on peut les écarter, imaginer pas de cage du tout, c'est quand même mieux, quoi. Je vois pas quel est l'intérêt de raisonner comme ça, quoi, de proposer ça comme raisonnement politique. Voilà, mais c'était plutôt dans ce sens-là. D'ailleurs, il a été très critiqué par des anarchistes américains aussi, hein. Voilà, mais c'est pas du tout, c'est pas un mec méprisable à mes yeux. Tandis que mon frère, oui, voilà. C'est tout à fait différent comme type de personnage. Et en plus, sur d'autres questions, la politique des États-Unis, les questions géopolitiques, il a fait des bouquins intéressants, il prend des positions claires, documentées, voilà. Je pense que contrairement à Onfray, il ne passe pas pour l'anarchiste de service. C'est quelqu'un spécialiste des relations extérieures, voilà, de la politique internationale. Voilà, qui a des sympathies. Qui a des sympathies. Tout à fait honorable. Son histoire a fait qu'il a fréquenté les anars espagnols, je crois, quand il était jeune. Qui prend des risques. Pardon ? Qui prend des risques. Oui, oui, oui, oui. Non, moi, je pense que c'est quelqu'un de tout à fait bien, mais qu'on peut critiquer comme tout le monde. Voilà, pour Chomsky. Une question, sinon peut-être parler un peu de... Un sujet qui fâche, quelque chose de... Ah bah alors oui, je vais... Un sujet qui fâche, alors... Personne n'est fâché par rien. Non, mais tout le monde, peut-être personne t'a lu et personne ne sait rien sur... C'est très mal. Mais non, c'est bien. Alors bon, j'ai juste un petit truc. C'est... Tu devais faire le même genre de causerie à l'Université populaire de Toulouse... avant l'été, et puis trois jours avant, on t'a dit de plus venir. Alors raconte-nous un peu cet épisode. Oui, j'ai pas grand-chose à en raconter, mais ben non. Enfin, après, ça peut partir sur le thème pour lequel ils t'ont interdit entre guillemets de venir. Bien sûr. Alors, j'étais invité par un groupe dont j'ai oublié le nom. Moi, j'ai vu sur Internet, c'est Université Populaire quelque chose. Oui, alors, mais c'est... Il y avait des gens de la CNT et des gens d'un groupe, ils sont deux, trois, je crois. Bon, bref. Effectivement, l'invitation a été annulée. Ce qui est amusant, c'est qu'elle a été annulée pour deux raisons. Enfin, on m'a donné deux raisons, deux textes justifiant l'annulation, dont un texte qui avait déjà justifié une annulation de débat il y a, je sais plus, 20 ans, à Lyon cette fois. Voilà. J'ai un double parcours, j'ai une double carte de France, il y a les endroits où je vais, puis les endroits où on m'interdit d'aller. Ça, voilà, de temps en temps, il me reste encore des tas d'endroits où ne pas aller, c'est bien. Alors les deux textes, c'était, je sais plus le titre, il y en a un je sais et l'autre pas. Tu me préviens. Je ne sais pas ils sont dans le bouquin. Oui, je crois. Je crois que les deux ils sont. En tout cas, il y en a un qui s'appelle. C'est sur le viol, mais je ne sais plus le titre. Il y a certains textes assez anciens, donc je n'ai pas tout en tête, je m'excuse, mais. C'est écrit tout petit. Hein. Ils sont peut-être pas tous dans le bouquin. Bon. C'était de l'ambiguïté du concept de viol dans les relations choisies. Voilà. Ça, c'en est un. Et l'autre, est-ce qu'il est dans le bouquin? Non, il n'est pas dans le bouquin puisqu'il était dans le précédent, c'est ça. À quoi servent les pédophiles, entre guillemets? Alors ça, c'était dans le... Pièce à conviction. Voilà. C'était quand même un plaidoyer pro-Strauss-Kahn, alors, le premier. Un plaidoyer pro-Strauss-Kahn. Si on peut dire, c'est son argument. De quoi? Que c'est une... Il n'y a pas de viol parce que c'est une relation consentie entre deux adultes consentants. Ah bon, et bah, si c'est dit comme ça, je suis d'accord. Le problème, c'est que apparemment Strauss-Kahn a une conception des relations consenties qui est un petit peu... En gros, consenti, c'est quand il a le dessus. Alors, ça, faut... C'est... Ah! C'est moi qui... Non, là tu... C'est une savonnette, on sait hein? Pas. Non, ça n'avait rien à voir... Ça concernait une histoire qui s'est déroulée dans les milieux squat. Alors, faut que je me rappelle ça, c'est assez ancien ça. Il y a un texte qui avait circulé, plusieurs textes qui avaient circulé, dont un texte écrit par le garçon qui racontait que sa relation avec une copine, avec sa copine qui vivait, ça s'était mal passé une fois parce que elle avait pas vraiment envie de faire l'amour, lui avait un peu insisté, bon. Et puis de façon un peu bizarre, le terme de viol était arrivé dans la conversation. Et finalement, avec le temps, la fille s'était en somme arrêtée sur la position « En fait, tu m'as violé ». C'est pas juste qu'il y a eu un malentendu et tu t'es excusé, machin. J'ai bien été violé. Et du coup, le mec a été, alors bien pire que moi, il a été interdit de circulation dans tous les squats qui étaient en réseau avec les squats qu'il connaissait, où il vivait, je sais pas les détails exactement. Et moi, j'avais fait un texte là-dessus, dont l'argument était, oui, consentement, bien sûr. Mais c'était anarchiste tous les deux, ou quoi? Squatteurs. Ou en tout cas, je ne sais pas s'ils étaient vraiment anarchistes, mais enfin, bon, dans ces milieux-là, quoi. Bien sûr, il faut éviter autant que possible les maladresses, il faut discuter autant que possible et de préférence avant plutôt qu'après. après, sauf s'il y a une agression, et l'agression peut être faite, en général c'est l'ancien copain, hein, dans les statistiques, les femmes se font violer par leur mari, par leur compagnon, par leur ex-compagnon, par un homme de la famille, ensuite c'est le voisin de palier ou le un entourage, c'est très très rarement un inconnu complet. C'est plus tu te rapproches du premier cercle, et plus c'est là que se trouve, c'est-à-dire de la famille et du couple, et plus c'est là que se trouve. Avec les petites filles, c'est connu, hein. Et voilà, la famille. C'est plus tu te rapproches du risque de. Du risque de viol. Pardon. Et bien connu, ça arrive aussi. Ça arrive aussi, mais c'est beaucoup plus rare. C'est beaucoup plus rare. Alors qu'en général, on en parle plus. C'est le fantasme le méchant violeur qui se cache dans le bois. Alors il y en a aussi, mais assez peu. Et donc, pour finir, l'idée c'était que je ne voyais pas d'intérêt, sauf ce type d'agression caractérisée, dans une relation de couple qui est en train d'avoir lieu, où il peut y avoir des engueulades, des mécontentements, des tout ce qu'on veut, on peut se gueuler dessus, ça. Je ne voyais pas l'intérêt d'utiliser le vocabulaire de la justice pénale. Or, le viol, c'est un crime. Voilà. À mon avis, si on pense qu'on a été violé au sens pénal du terme, par celui avec qui on vit ou celle avec qui on vit, c'est le moment de partir, quoi. Il n'y a plus de discussion. Si on continue et si on discute, je vois pas l'intérêt de parler de viol, parce qu'alors sinon, tu vois, on rentre dans un truc avec, je sais pas quoi, un jury, des peines, des. Je vois pas qu'est-ce que ça apporte à une pensée libertaire sur des rapports non contraignants entre nous. Voilà. C'était ça le. Tu voulais dire un truc ? Non, j'ai cru que tu. Non, c'est trop. D'accord. Ça, c'était un des papiers. L'autre papier, la pédophilie. Alors, grand sujet, la pédophilie. Il y a 20 ans, la Griffe fêtait ses, je sais pas quoi, 10 ans, je crois. Ils avaient choisi comme thème le retour de l'ordre moral. Et ils m'avaient demandé d'envoyer un texte très court, genre deux feuillets, pour introduire un débat sur ce que je voulais. Et j'avais choisi le thème de la manière dont la figure du pédophile est vu socialement et utilisé socialement et comment on peut reconsidérer les questions que ça pose du point de vue des droits des mineurs. Comme c'était court, nécessairement c'était dans le cahier des charges, c'était assez ramassé avec plein de points d'interrogation. Ça a été considéré comme quoi d'ailleurs ? Comme un texte louche et non mais parce que c'était pas beaucoup plus clair que ça, donc j'essaye de résumer de manière objective. Ça a été considéré comme un texte louche qui ne prêtait pas à débat. Alors je veux dire, là il y avait ça, c'est des choses que j'ai du mal à comprendre, je veux dire. On t'invite pour animer un débat, tu dis, les gens disent, oh là là, c'est super, il y a un sujet de débat, on va s'engueuler comme des poissons pris, mais c'est pas grave, au contraire. Je dis, non, justement, tu viens pas. Ah, bon, d'accord. Sauf si tu es d'un ordre moral. Pardon ? Si tu es dans une société d'ordre moral. Alors, voilà. Qui est jugé à la base. Alors, voilà. C'était un peu gaguesque que... parce que voilà, c'est une censure clairement. Hein. On aurait pu. Il y avait des gens qui avaient des choses à dire, ils avaient qu'à venir. Et c'était un peu gaguesque que ça soit dans un débat qui était supposé porter sur le retour à l'ordre moral, effectivement. Sauf que probablement les choses n'ont pas beaucoup bougé et il s'est repassé exactement la même chose à Toulouse. Ce qui a eu pour conséquence, d'abord, que le débat de Toulouse n'a pas eu lieu, et ensuite que cet été, j'ai replanché sur la question, en reprenant ce texte d'il y a 20 ans que je n'avais pas en tête, hein, parce que pas tout, j'ai écrit pas mal, je sais plus par cœur tout ce que j'ai écrit en 20 ans. Et j'ai refait, non pas un texte cohérent d'ailleurs, j'ai pas eu le temps, mais des notes assez développées sur la question des droits des enfants et comment ça peut s'articuler avec la question de la pédophilie et comment on protège les enfants, etc. Donc, pour les gens que ça intéresse, vous pouvez vous reporter au blog Ligne de Force, où vous trouverez toutes ces notes. Je ne sais pas si ça... satisfait les organisateurs du débat. Alors, il y a une partie, la CNT, j'ai jamais une nouvelle. Les autres m'ont écrit, mais ils m'ont écrit, ils sont gentils mais un peu lents, donc ils m'ont écrit 15 jours après que la date prévue du débat, en me disant non, c'était pas pour annuler, nous c'était pour reporter. Si vous êtes gentil, mais vous m'annoncez, on m'annonce, c'est d'autres qui m'avaient annoncé que le débat était annulé, et une semaine avant, alors que j'avais acheté mon billet de train, tout ça, et 15 jours après, vous me dites, non, c'est juste un report, un problème d'organisation et de coordination, et ils avaient assez envie, eux, d'en parler, de tout ça. Et ils m'ont dit aussi qu'ils souhaitaient parler de l'islamophobie, raison pour laquelle j'ai cet été également fait un texte sur l'islamophobie, plutôt sur le concept d'islamophobie et sur l'attitude de certains anarchistes qui ont, comment ça s'appelait, l'appel des libertaires contre l'islamophobie, c'est ça, qui était lancé par des gens d'alternatives libertaires, si j'ai bien compris. Donc j'ai fait un texte sur ce sujet qui est assez polémique aussi. J'ai reçu depuis des tas d'insultes sur Internet, mais qui peut donner lieu à débat. Là, je fais une autocritique. Ce texte, ça me gonflait, cette histoire d'islamophobie. Voilà, ça me fait chier. J'avais vu passer ce texte vaguement, comme ça, les libertaires consulistes. J'avais même pas pris la peine de le lire. Et encore moins d'y réagir. Et ça, c'était une faute. Voilà, c'est pas bien, j'aurais dû le faire plus tôt. Donc je m'y suis collé un petit peu tard, en tombant des nues en le lisant, parce que quand même, alors pour ceux qui connaissent pas, ce sont des anarchistes qui expliquent que il faut, comment je pourrais résumer ça honnêtement, qu'un certain nombre de fondamentaux de l'anarchisme, notamment le slogan « ni Dieu ni maître », on doit y renoncer parce que ça risque de paraître insultant à des gens qui sont croyants et avec lesquels on peut néanmoins, bien qu'ils soient croyants, mener des luttes en commun. Et que donc on arrête sur la religion, on parle plus de religion, on abandonne « ni Dieu ni maître », Et même, ils expliquent que en rester à ni Dieu ni maître, aujourd'hui c'est raciste. Puisque ça choque des gens qui sont croyants, et notamment des gens qui tiennent à une religion qui est supposée dans leur tête manifestement être la religion des opprimés, c'est-à-dire l'islam, donc il faut les protéger tout particulièrement, intellectuellement, et ne jamais manifester auprès d'eux qu'on a une position soit laïque, soit antithéiste, soit... voilà. Alors là, je dois dire que... j'ai eu un peu de mal. Les bras m'en sont tombés quand même, donc j'ai fait un texte de réponse assez vif, je crois, qui a mis très en colère des gens qui, effectivement, du coup, disaient « Ah bah oui, c'est ça, t'es islamophobe, t'es raciste, et tu comprends rien, je sais pas, qu'est-ce qu'on a dit d'autre ?» Personne n'a répondu, pour l'instant. Hein. J'ai pas eu de réponse argumentée en me disant « Tu dis ça, c'est pas vrai, machin... » J'ai fait un parallèle entre un texte de la conférence des pays... comment ça s'appelle ? Conférence des organisations islamiques, enfin un truc comme ça, et l'appel des libertaires, parce qu'ils disent des choses très proches, quoi. pas pour les mêmes raisons, bien sûr. Les anarchistes qui ont fait ce texte sont pleins de bonnes intentions et de bonne volonté. Ils veulent se ménager un public militant qu'ils espèrent draguer dans les banlieues. À mon avis, ils se fourrent le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Mais bon, c'est ce qu'ils souhaitent. C'est ce qu'ils espèrent. Mais ça revient au même que tous les pourris de ces pays, de ces États musulmans qui répriment les athées, qui répriment les incroyants, qui répriment encore plus ceux qui ont abandonné la religion. Et je suis désolé, je n'ai pas d'agressivité particulière envers des croyants, mais notamment dans le monde arabe, ma sympathie va d'abord aux gens qui me ressemblent, c'est-à-dire, et qui ont bien plus de problèmes que moi pour vivre aujourd'hui, qui sont des gens qui ont pris de la distance par rapport à leur culture, plus ou moins, de manière... avec toutes les nuances du monde, mais enfin, qui en prennent plein la gueule, quoi. Hein? Alors, c'est un problème qui est en train de pourrir le mouvement anarchiste, de pourrir une bonne partie de l'extrême-gauche aussi, et qui est très, très bordélique. Enfin, c'est vrai que c'est pas simple. J'ai été à Paris récemment à une... J'en ai parlé aussi sur mon blog. J'ai été à une réunion organisée conjointement par les FEMEN et par des femmes du mouvement de libération des femmes. Et il y avait une journaliste de Charlie Hebdo qui a fait la première intervention. C'était presque mot à mot ce que j'avais dit dans mon propre texte. Donc je me suis dit, c'est sympa, on est vraiment d'accord sur l'essentiel. Puis la soirée s'est avancée, il y a eu des débats, tout ça. Puis il y a quelqu'un qui a raconté que c'est une femme qui travaille dans une consultation psychologique d'un hôpital, c'est une histoire d'assistance à la procréation, j'ai oublié le terme exact. Et elle a raconté qu'elle avait reçu dans son bureau une femme portant un voile et que la situation a très vite dégénéré, elles se sont engueulées très rapidement. Et elle a demandé, elle a dit à la femme qu'elle était gênée par son voile pour avoir cet entretien avec elle. La nana lui a répondu, vous ne supportez pas ma religion. Et elle est partie, en claquant la porte au moins symboliquement. Et elle a porté plainte pour discrimination. Et là, la journaliste, donc cette femme a raconté ça, et la journaliste de Charlie Hebdo a... enchaîné en disant « Ah ben oui, d'ailleurs, l'hôpital est un lieu de militantisme privilégié pour les fondamentalistes, il faut se méfier, beaucoup... » Ah bon, alors en fait, on n'est pas d'accord. Comme quoi, les choses sont un peu complexes. En réalité, on n'est pas d'accord du tout. Parce que ça, justement, à mes yeux, ça épuise la définition de l'islamophobie. C'est quelqu'un qui arrive, qui affiche sa religion... On est dans un service public, je comprends qu'on soit gêné, mais on n'a pas à virer quelqu'un parce que alors sinon, je veux dire, t'as une croix autour du cou, tu vois. Moi, ça me gêne, hein, les gens qui ont une croix autour du cou je sais pas quoi. Et aux archives nationales, il y a des bibliothécaires qui ont un insigne royaliste. Je leur demande pas de l'enlever. Enfin, tu vois, le pire serait d'ailleurs que si moi, je venais avec un insigne anarchiste, ils me disaient « Non, je vous donne pas vos documents. » Mais dans aucun des deux sens, tu vois, ça, pour moi, c'est pas possible, quoi. Et alors, si... Tu vois le merdier, la confusion générale, quoi. Bon, on n'en est pas sorti et à mon avis, on va s'enfoncer de plus en plus et ça va se radicaliser de plus en plus. Donc, oui, j'ai juste un petit truc. J'ai dit dans un texte que dans les manifs pour Gaza l'année dernière, on entendait beaucoup de propos antisémites. Je sais, c'était à côté de chez moi. J'ai fait des manifs jusqu'à la toute fin, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été plus loin que moi, et bien je peux dire que, et beaucoup de gens, de jeunes femmes, notamment, vous voyez, qui tenaient des propos antisémites. Je l'ai entendu, alors je le dis. Et j'étais là quand même. Je manifestais pour Gaza. Je suis ni islamophobe, ni raciste, ni je dis ce que je vois et ce que j'entends. Mais on me dit, ah ouais, voilà, ça, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire, vraiment. Là aussi, on est dans de l'ordre moral, finalement. Les choses qui se disent, qui ne se disent pas. Genre. Et en plus, on ne parle même plus de cul, quoi. C'est marrant, quoi. C'est marrant. Vas-y. Ça me fait penser à une chose, je reviens sur un des sujets de tout à l'heure, c'est quand tu as parlé de Proudhon, moi il y a des choses aussi qui me choquent un peu, pareil, c'est quand on parle de gens anciens, on ne sait pas exactement quelle était l'atmosphère et tout, c'est difficile aussi de juger des auteurs anciens, quand on dit qu'ils étaient par rapport aux femmes, par rapport au contexte de l'époque, on ne sait pas comment on aurait perçu les choses à ce moment-là. Enfin, bon, Proudhon est, sur ce point-là, Proudhon n'est pas sauvable, je t'assure. Bon, mais même admettons que ces points-là soient difficiles à accepter, je pense que ce n'est pas une raison pour ne pas le lire. Et par exemple, moi je lis Sylvain Maréchal, oui, j'ai appris... Qui n'est pas un grand féministe non plus, non, voilà, bien sûr. Qui a voulu interdire aux femmes la lecture. Bien sûr, oui, mais oui. Mais alors, tu apprends plein de choses. Mais bien sûr, bien sûr. Voilà, oui. Donc, ah non, moi j'ai jamais dit qu'il ne fallait pas lire un tel ou un tel, hein, bien sûr. Non, non, bien sûr. Et ça me faisait penser justement à l'habillement aussi, au le fait de porter une croix et tout. C'est vrai que c'est gênant, mais... En même temps, c'est... Voilà, il faut... Oui, et puis il faut laisser aux gens la possibilité de changer. Oui, aussi. Il faut leur laisser du temps, il faut leur laisser de la marge, il faut leur laisser de l'espace. Si tu fais pas ça, tu peux pas espérer qu'ils changent. Tu peux juste déplorer qu'ils soient pas comme toi, et ça sert à rien, quoi. Mm-hmm. Ben, à bon sens. Par contre, dans l'écriture, alors moi, ça fait très longtemps que je te connais, d'ailleurs, parce qu'on t'avait invité à Chronique Hebdo. C'était toi. Je rencontre enfin ma lectrice. Attends, Liliane, attends, il y a quelqu'un avant toi. Et depuis les 42 façons de t'éviter ou raisons de t'éviter, oui, tu l'as écrit aussi. Et donc, j'ai lu quand même quelques-uns de tes livres. Et j'aime bien parce que justement, au niveau de l'écriture, tu es intransigeant quand même. Ça va jusqu'à l'extrémité. Et ça, j'aime assez. Merci. Je prends ça comme un compliment. Georges. Oui. Moi, je reviendrai sur l'islamophobie. Là. J'ai lu hier, il y avait une conseillère municipale qui allait protester contre le salon là, de la femme musulmane ou quelque chose comme ça. Il y a deux semaines qu'on fait. C'était une conseillère municipale socialiste. Et on demande son exclusion du Parti socialiste. Complètement dément. Moi, je voudrais savoir combien de temps vous avez mis pour écrire ce bouquin. Celui-là ? Oui. Alors, c'est difficile de répondre sur celui-là parce que c'est un recueil de textes. Eh bien, on peut englober dans les autres. Mais en général, pour des gros livres comme ça, il faut compter 2 ans. En comptant les recherches de documents, l'écriture... En comptant un brouillon avant, je pense. Il faut compter 2 ans pour l'écrire, parce que pour le publier, ensuite, il faut trouver un éditeur. Et ça peut être encore beaucoup plus long. Ah, mais le temps n'existe pas. Il y a des livres que j'ai mis 10 ans à éditer, quoi. Parce que je ne trouvais pas d'éditeur. D'ailleurs, celui-là, j'ai mis longtemps. Hein. Il y a eu pas mal de... De refus d'éditeur, de trucs avortés, l'édition c'est un peu comme le spectacle vivant, il y a plein de trucs qui doivent se faire, puis ça foire au dernier moment, parce qu'il y en a un qui s'en va, parce qu'il n'y a plus le fric, parce que... Voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'échecs pour une réussite... Allez à toi. En général, il y a 2 ou 3 foirades avant... d'arriver à sortir le bouquin. Sauf quelquefois, ça se passe très bien. Bon, aussi. Mais quand vous avez trouvé l'éditeur, quelles sont les suites après ? Il corrige le texte en général, et là, on s'engueule. Parce que il dit là on peut pas dire ça, je sais pas quoi. Moi je dis bah oui, mais c'est des textes que je republie, donc je vais pas les réécrire maintenant. Il dit ah ouais, mais tu devrais faire une note, voilà. Donc on s'engueule pendant un bon moment, et ensuite ça finit par être publié. Et après, il y a la diffusion qui est un problème. C'est encore une, c'est le grand problème, probablement, la diffusion, oui, certainement. Je crois qu'il y a une urgence de faire cette mise au point que vous avez faite sur l'islamophobie, n'est-ce pas, et qu'elle soit plus diffusée. Moi, je ne connaissais pas votre blog. Et je pense que cette mise au point que vous avez faite, parce qu'il y a une espèce de confusion qui est vraiment un truc qui ne va pas. Là. Auprès des jeunes que je connais qui sont dans la mouvance libertaire, ils tiennent les mêmes propos que vous dénoncez là. Mais je trouve que c'est vraiment indispensable de faire cette clarification. Il faudrait que vous fassiez une petite brochure ou que ce point de vue soit un petit peu développé, étayé, et puis donner aussi des arguments à ceux qui. J'ai fait mon autocritique, j'aurais dû faire ce texte plus tôt et il aurait été bien qu'il soit publié dans le bouquin, mais voilà, il y a des choses. La difficulté d'avoir une position un petit peu en marge comme ça, c'est que tu finis par te comporter comme une organisation à toi tout seul. Et évidemment, tu n'y arrives pas parce que tu peux pas satisfaire à la tâche, tout voir, tout faire, tout. Voilà. Donc il y a des fois où tu es au bon moment, comme il faut, sur le coup, et puis des trucs que tu rates et que tu laisses passer. Bon, c'est comme ça. On peut pas. Je n'ai pas la prétention d'être parfait, hélas. Donc ça, ce coup-là, je l'avais complètement loupé. Mais à mon avis, les occasions ne vont pas manquer dans les années qui viennent de revenir là-dessus. Ça, voilà. Déjà, si je peux éviter de me faire casser la gueule, ça sera déjà pas mal. Oui, parce que dans tes... À Paris, des fois, c'est dangereux, mais une fois, tu as été... T'as été battu par les flics et il y a eu... Oui, mais ça, là, je dirais chacun est dans son rôle, d'une certaine façon. c'est pas tout repos d'exprimer ses opinions. Certainement. Bon, après, quand on se fait casser la gueule par soi-disant ses copains, c'est peut-être plus grave. Voilà, c'est ça, je voulais en venir là. Voilà, c'est ça. J'objecte à me faire taper dessus par des anarchistes, si on peut éviter, quoi. Hein. Non, mais d'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, j'étais pas complètement rassuré. Ah bon? Non, je savais pas. Mais trop. Personne t'a vu, alors. Hein? C'est la seule lectrice. L'écriture est une grande leçon d'humilité, en réalité. Ouais. Les gens croient qu'on fait ça pour, se faire voir. À Marseille, là, quand tu as, effectivement, après l'annulation de Toulouse, tu m'as écrit « Je veux quand même des garanties, que ça ne va pas être annulé. » Allez, et moi, j'ai répondu « Bon, on organise des débats depuis... Moi, je suis là depuis 20 ans à peu près et on n'a jamais rien annulé, quoi. » Ouais. Donc, c'est... On n'a pas... Je pense qu'à Marseille, peut-être, c'est... On n'est pas à Lyon, justement, où il y a des groupes, quand même, effectivement, dans le milieu libertaire, qui peuvent interdire des débats. Alors que, bon... récemment, il y a eu un type qui a écrit un bouquin sur la procréation médicale assistée qui s'appelle Escudero. Oui. Et à Lyon, ils ont décidé que c'était un facho, un eugéniste, un nazi. Certains et l'ont empêché. Ils n'ont jamais lu le livre. Voilà. Et alors qu'à Grenoble, où le livre a été publié, les gens ont fait un débat, s'exprimer, dire non, ça peut être publié des conneries, machin, mais ils sont parlés. Là, il y a des gens qui sont arrivés et qui ont empêché le débat. C'est un peu grave chez nous, quoi, parce que il y a des gens, comme tu dis, qui peuvent classer, lui, il est nazi, il est pédophile, il est je sais pas quoi, toi, et là où on va, là. Mais à Paris, ces derniers temps, il y a eu des bastons, enfin, c'est même pas des bastons, parce qu'encore des bastons, des antifascistes radicaux, qui ont tendu un traquenard à un mec, tu vois, un nanar. Il venait discuter avec un mec, il s'est aperçu que tout le quartier était bloqué, il y avait une demi-douzaine de mecs. Enfin bon, des trucs, totalement délirants, quoi. Non, j'ai l'impression qu'à Marseille, on échappe à ça. Oui, tant mieux. Non, mais peut-être qu'il y a un truc parisien d'exacerbation et de course à la radicalité, tu vois. comme à Paris, on peut ne pas se croiser. Voilà. Oui, parce que là, donc, les gens se connaissent. Il y a une espèce de concurrence entre les groupes, les individus. Pour, tu vois, c'est plus radical que moi, tu meurs. Mmh. Donc, ça, alors, voilà. Et puis, on arrive relativement rapidement à celui-là, il faut lui donner une leçon. Tu vois, c'est très triste, hein, je trouve ça lamentable. Mais moi, j'étais le foire du livre à Nîmes, et je te laisse, c'était au moment où il y avait l'affaire des Escudero qui était sortie. Oui. Et bon, ça a discuté, et un type, il dit, tu dois être connu, moi je ne le connaissais pas, mais enfin, c'est la grande gueule, il disait, bon, de toute façon, je ne discute pas avec un fasciste, je lui rentre le dame. Mais il n'a pas lu le livre. C'est ça. Je veux dire, comment tu peux, à l'avance, condamner ou décider que, lui, après, discute. Ah oui, non, mais alors en plus, ça c'est aussi l'époque actuelle, Internet, machin, Twitter, les choses courent de manière virale. Tout le monde est persuadé de, tu vois, qu'un tel est un nazi, un violeur, un truc, ils n'ont jamais rien lu, jamais discuté avec le mec. Mais bien sûr, ça. Mais ils l'ont lu sur Twitter. Ouais, voilà. En 40 signes, je ne sais pas combien c'est. 144. Quelle analyse faites-vous des mouvements zadistes ? Excuse-moi, les zadistes. Les zadistes, quelle analyse faites-vous ? Je n'ai pas vraiment d'analyse, j'ai de la sympathie, sans avoir pris la peine. J'ai croisé hein, des gens de Notre-Dame-des-Landes, notamment, des gens beaucoup plus jeunes que moi. Mais je n'ai pas pris la peine d'aller sur le terrain. A priori, j'ai beaucoup de sympathie comme ça pour eux. Je pense que c'est comment dire ça. Le succès que ça a tient en partie au fait que on a du mal à mener des luttes qui soient autrement ancrées dans une réalité, c'est-à-dire dans une classe sociale, dans un quartier. Alors, lancé par une organisation. Pardon. Lancé par une organisation. C'est, oui. C'est aussi ce qu'il faut pour reprocher aux zadistes. Voilà. Mais donc autour de ça joue un rôle de substitution en quelque sorte, je pense, ce genre de lutte. Tu vois, autour d'un projet, comme on dit, un grand projet inutile. Voilà. Donc moi, je suis ça avec beaucoup de sympathie. J'ai déjà du mal à survivre dans mon appartement relativement confortable, quoique assez vétuste. Y a peu de chances que j'aille vivre dans une cabane dans les arbres, tu vois. Je pense qu'il y a un truc générationnel, c'est pas à moi qu'il faut demander ça. Mais je trouve bien hein, que des gens aillent le faire. Après, je pense qu'ils se retrouvent, ils se coltent tous les problèmes, ils se coltinent tous les problèmes de partout dès qu'il y a une tentative de vie en commun. Hein. La vie sur la ZAD, c'est pas que rigolo non plus, d'après ce que j'ai entendu. Pour les filles, notamment, évidemment. Donc, ça demande des modes d'organisation un peu particuliers pour essayer justement de régler ces questions-là, de régler les conflits. Moi, je vois ça davantage avec les réfugiés en ce moment à Paris. Il y a un squat qui marche, c'est bien, on est content. C'est vrai que c'est pas simple. Hein, tu vois, les mêmes questions se reposent. Alors après, ça fait l'articulation. Comment faire dans le quotidien l'articulation entre des mouvements qui sont ancrés sur des lieux ou sur des problématiques particulières auxquelles les nouvelles générations adhèrent, et puis le fait de se dire, bon ben voilà, j'ai une position qui est une position d'anarchiste, ou même comme sur le quatrième de couverture, vous êtes qualifié d'intellectuel anarchiste. Mm-hmm. Qui fait un petit peu frémir, quoi. C'est le mot. Et comment concilier en fait une posture intellectuelle et puis votre façon apparemment de militer en allant papillonner à droite, à gauche en fonction des intérêts ou des... Oui. Alors moi je tiens au terme intellectuel pas du tout parce que c'est un détail que j'aurais dû mentionner au début d'ailleurs. Je suis pas universitaire, hein. J'ai le bac aucun autre diplôme. Par contre, je me considère comme un intellectuel anarchiste, effectivement. C'est-à-dire que... Mais n'importe qui peut être intellectuel anarchiste, y compris une vendeuse de grands magasins ou un tourneur sur métaux. C'est quelqu'un qui... sauf que moi, j'ai plus de temps, si tu veux. Je me suis organisé dans ma vie. Et puis, j'ai eu de la chance aussi. Mon origine sociale, les hasards de l'existence ont fait que... voilà. Moi, j'ai plus de temps. C'est ça qui compte. J'essaye de penser un certain nombre de questions dans la perspective d'un mouvement révolutionnaire anarchiste. C'est ça, être intellectuel anarchiste. Et je regrette qu'il n'y en ait pas davantage. Des gens comme... Je pense à Guérin, par exemple. Hein, voilà, figure qui m'a beaucoup marqué, qui avait beaucoup travaillé sur les questions alors lui d'homosexualité puisqu'il était homosexuel, qui avait travaillé sur la Révolution française et combien, et qui a eu une vie de militant bien plus actif que la mienne probablement et dans des périodes plus troublées. Voilà, moi je pense que c'est une des faiblesses, c'est pas la seule. Tiens, la solution, ça serait pas de trouver une demi-douzaine d'intellectuels, tu vois, ça ne revivifierait pas le mouvement anarchiste. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'intellectuels anarchistes, parce que moi j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, il y a quelques universitaires qui sont vraiment, qui viennent de l'anarchie, d'autres qui ont des sympathies anarchistes, mais des intellectuels anarchistes au centre de Guérin, pour prendre cet exemple-là, moi j'en connais pas, peut-être qu'il y a des noms qui viennent à l'esprit, moi j'en connais pas, et je le déplore, je pense que c'est pas un bon symptôme, si tu veux, pour un mouvement, c'est un des symptômes négatifs, mais il y en a d'autres, malheureusement, on est tout petit, Est-ce qu'un intellectuel anarchiste doit avoir un gros bagage de connaissances d'auteur anarchiste? Pas forcément. Alors il y en a un, moi je peux... Oui, tu en dirais. Moi je pense à Jean-Pierre Tertré, je trouve qu'il C'est vrai. Ça m'aide bien. Oui. Non. Ah mais je dis pas qu'il n'y a pas des gens bien. Oui, mais tu vois... Je disais Daniel Guérin parce que quelqu'un d'un peu connu, tu vois, qui a une certaine notoriété comme intellectuel anarchiste, hein, dont on va chercher dans ses bouquins des éléments d'analyse. Voilà. Je vois pas trop. Oui. Ouais, moi, je pense que ça fait une quarantaine d'années en fait qu'il y a en fait un manque. C'est clair, enfin, je veux dire, d'intellectuels dans le mouvement anarchiste, même dans le mouvement de la gauche révolutionnaire en général. Qu'il y avait dans les années 60, 70. Et je pense que du coup, il y a deux effets que ça a provoqué. Le premier effet, ça a été, à l'heure actuelle, une sorte de conservatisme révolutionnaire. C'est-à-dire où certains, en fait, sont dans des dogmes et se réfèrent toujours à une pensée figée, en fait, par exemple, de l'anarchisme. Et vont se référer toujours à certains auteurs et certains, sans prendre en compte, en fait, l'évolution du contexte social et. Et le deuxième effet, je pense que ça crée une sorte de repli identitaire au niveau des milieux militants, et notamment un sectarisme au niveau des luttes. Et tout à l'heure, par exemple, tu parlais de Escudero, des problèmes qu'il y a eu. Et je pense que c'est aussi un de ces effets-là, c'est-à-dire qu'il y a une cinquantaine d'années quand il y avait ces intellectuels. Mine de rien, ça balisait en fait idéologiquement aussi une pensée révolutionnaire, je pense. Et à l'heure actuelle, ben, du coup, chacun en fait se réfère dans ce que Proudhon appelait des idéomanies, c'est-à-dire restent en fait dans des aspects en fait de lutte. Ça va être, je sais pas, libération animale, féminisme, LGBT, des choses comme ça, sans avoir véritablement de pensée globale. Et voilà, du coup, rentre dans une sorte parfois de radicalité, et où en gros, il faut pisser plus à gauche que son voisin. Et après, à partir de là, eh bien, ça va créer des sortes de commandos en fait, qui vont intervenir et qui vont intervenir dans des fêtes du libre libertaire en disant lui, il n'a pas le droit de s'exprimer parce que lui, c'est un facho et machin. Et ça, je pense que justement, c'est une des conséquences de ce que tu disais, c'est-à-dire de ce manque aussi d'intellectuels au niveau, mais pas qu'anarchiste, au niveau de la gauche révolutionnaire en général. Tu parlais de Onfray tout à l'heure, quand tu penses que ça fait 15 ans que Onfray est considéré comme l'intellectuel libertaire, c'est qu'il y a aussi un souci quelque part et qu'effectivement il y a une panne en fait de la pensée révolutionnaire et ce qui provoque aussi une dépolitisation. C'est-à-dire qu'il y a énormément de militants qui font leur culture révolutionnaire sur Internet, en lisant des quatrièmes de couverture, ou ben, du coup c'est pareil, quand on parlait par exemple de Escudero, ou par exemple de Marie-Josée Bonnet qui a écrit un livre critiquant le mariage gay, où elle se voit interdite partout, alors que bon, elle a certains arguments qui sont valables. Et ben, pour moi, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que du coup, personne ne lit vraiment les livres, mais on se renseigne sur Internet, par des quatrièmes de couverture, par des oui-dire, par des rumeurs, du coup on se fait une opinion, et à partir de là, ça devient des gens qui sont infréquentables. On le voit, Escudero, par exemple, dans un de ses bouquins, il cite Jean-Claude Michéat. Jean-Claude Michéat, qui est effectivement un auteur qu'on peut qualifier d'infréquentable. Moi, personnellement, je trouve ces concepts d'anarchisme, orwellien, machin, enfin, complètement puant. Mais je trouve qu'il y a certaines idées, certains concepts qui sont intéressants aussi dans ce qu'il écrit. Et est-ce que le fait de citer, par exemple, Jean-Claude Michéat, eh bien, amène à dénigrer, en fait, ce que Escudero va écrire, ou est-ce que... ou ce qu'un autre auteur va écrire, quoi. Non, plus. Et ça, je pense que c'est un des soucis aussi à l'heure actuelle, en fait, du mouvement anarchiste et révolutionnaire en général. C'est-à-dire que... voilà, ce manque de... Oui, je suis bien d'accord. Donc, constater qu'il y a maintenant, il y a des livres comme À nos amis, ou des livres qui ne sont pas signés aussi, qui sont faits par un collectif, et... donc ça compense aussi, je veux dire, il n'y a plus l'image de l'intellectuel, parce que ça, peut-être ça gêne un peu des fois d'avoir un auteur. Sauf que, enfin oui, tout le monde connaît l'auteur, enfin je veux dire, tu vois... Alors, c'est pas un auteur. C'est pas un. Ouais, c'est pas. Non, c'est pas un auteur tout seul, oui. Mais enfin, bon. On sait de quel milieu. Oui, oui. Milieu ça vient. À peu près de quel milieu. Oui, ça, il y a pas beaucoup. Pas beaucoup de suspense sur le la qualité des auteurs. C'est un truc, oui, que ce que tu as dit me fait penser. Je crois que c'était un peu le cas. Enfin, non, Guérin a essayé de faire des synthèses. Il a fait un bouquin sur le marxisme libertaire. C'est une de mes limites, je dirais. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je fais, et c'est ça que je peux faire. Moi, je propose pas un nouveau système. Tu vois, une nouvelle analyse globale du monde. J'en ai pas. Capable de faire actuellement. Je sais pas. Une analyse globale du monde. En tout cas, voilà. Peut-être que c'est possible. La complexité du système. Peut-être que c'est possible. En tout cas, moi, je sais pas faire et j'ai jamais. Parce que le temps, essayer de comprendre. J'ai jamais prétendu faire ça. Par contre, c'est pour ça que j'utilise une image. Je dis, moi, je fais de la théorie pour tous les jours, quoi. À partir de problèmes militants concrets, quels conneries on a faites, quelles conneries on peut éviter la prochaine fois, qu'est-ce qu'on peut tirer de telle expérience, tu vois. Bon, la théorie du dimanche en grand habit, et tout ça, c'est moi qu'il faut venir la chercher. Est-ce qu'il y a des revues qui peuvent... Ah ben moi j'ai participé à plein de revues. Mais là, actuellement... Aujourd'hui... Des gens comme Zelle, là, vous pouvez comment... Eh ben, je peux te dire qu'aujourd'hui, moi, je lis pas de revues. Mais ça veut pas dire qu'il y a rien d'intéressant dans celles qui se publient. Mais, il y a des choses à prendre dans Oui, sûrement. Réfraction. Oui, alors, de temps en temps. C'est inégal, mais comme c'est des revues, mais tu vas tomber sur un texte intéressant, d'autres un peu chiants à côté, voilà. Il n'y a pas des revues qui fédèrent les groupes. Qui quoi? Qui fédèrent, Non, à ma connaissance, non, je vois pas. Non, je ne pense pas que c'est... Je vois pas. Je vois pas ça. J'aimerais juste rebondir un peu sur les ZAD. Ce qui me paraît intéressant, j'ai plus l'âge d'y participer, ni d'être impliqué, mais ce qui me paraît intéressant, c'est qu'ils repensent un autre type de société, un autre type de fonctionnement. Et c'est ça qui me paraît intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des générations qui arrivent qui disent « Votre monde, on ne le veut pas. » Et on expérimente quelque chose, on fait quelque chose. Et c'est cette démarche-là qui me paraît intellectuellement intéressante. Oui, tout à fait. Je suis bien d'accord. D'autres interventions ou on continue la discussion avec... Des remords, des regrets. Mais oui, on peut continuer quand même. Oui, parce que alors, tu vois, dès qu'on sort une bouteille d'air, hop, il y a quelqu'un qui vient vers toi, enfin vers moi en l'occurrence. Et oui, je voulais dire ça. C'est maintenant. De toute façon, personne sort, hein, on bloque la porte. Juste comme ça, moi, par exemple, comme... Tu as épuisé ton quota, mais enfin bon, vas-y quand même. Mais... En fait, Non, mais elle demande la parole à chaque fois, c'est bien, c'est court. C'est... Non, je veux dire, par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport à l'immigration, par rapport à l'intoxication, je dois dire que je suis allée voir sur ton blog si tu en parlais un peu, parce que c'est vrai que dans des moments comme ça, d'hyper matraquage humanitaire et tout, qui touche les émotions et tout, on cherche un peu les gens qu'on aime bien, justement. C'est pour ça que quand il y a un auteur qu'on aime bien, on essaye d'aller voir un peu ce qu'il peut dire et tout, pour, parce que des fois, c'est trop. On attrape ça dans la tête. Oui, c'est bien. Ouais. Oui, oui, parce que ça finit par... on est humain, hein, ça finit par porter, y compris chez nous, quoi, toute cette propagande. Et je vois bien, d'ailleurs, que j'ai aussi un compte Twitter. Et je vois bien qu'il y a des trucs sur les réfugiés, là, plus personne n'est allé les regarder, tu vois, les gens, ils sont saturés complètement. Alors, tout ce que je peux mettre des choses sur Twitter directement, mais j'ai couplé les choses, c'est-à-dire, tout ce que je mets sur l'un de mes deux blogs est automatiquement tweeté. Donc, ça, j'ai pas à le remettre dessus, ça part automatiquement sur Twitter aussi. Et là, sur ce qui s'est passé dans le, par exemple, dans le 18e, les gens qui étaient devant la mairie du 18e, il se trouve que c'est à, pas très loin à vol d'oiseau de là où j'habite, donc c'était facile, d'autant plus facile pour moi d'y aller. Et effectivement, on est dans la propagande la plus, enfin, tu vois, c'est le principe, plus c'est gros, plus ça passe, quoi, donc, ils ont expliqué qu'ils tenaient à mettre à l'abri les réfugiés, alors que les premiers jours, je me suis fait envoyer valdinguer par un flic qui voulait même pas que je traverse la rue. Les copains qui amenaient des couvertures se faisaient arracher les couvertures. Mmh. Enfin, tu vois. Bon, puis petit à petit, il y avait de plus en plus de réfugiés, donc ça a été plus compliqué pour les flics. Ils ont lâché un peu le dispositif. Il y avait plus de gens qui ont amené à manger. Il y a eu des bâches, après il y a eu des tentes. Alors là, il y avait vraiment beaucoup de monde, ça se voyait beaucoup, ils ont envoyé tout le monde, ils ont réparti tout le monde dans des centres, et on a eu des coups de fil des gens qui ont été envoyés, qui sont arrivés dans des endroits où il n'y avait pas de lit. Tu vois ? Alors que la préfète de Paris venait de faire une déclaration, en gros, en disant, on n'est pas intervenu très rapidement parce qu'il fallait qu'on mette tout ça au point, mais là, c'était nickel. Les mecs, ils sont raflés à 6h du matin, ils débarquent dans des pièces nues, il n'y a pas de lit. Et ça va arriver, ça va arriver. Et bonjour la préparation, tu vois. Nous, on avait fait mieux avec nos pauvres moyens en amenant des cartons, des couvertures de survie, des bâches, tu vois. Bien sûr que ça c'est de la contre-information de base vraiment, mais ça reste utile parce que tout France Info, on te dit, tout le monde est content, ils ont même trouvé un ou deux réfugiés qui te disent à quel point ils sont contents, et des militants associatifs qui sont très contents eux aussi, tout le monde est très très très content, et puis tu reçois les mails des copains et des copines dans la journée qui te disent, voilà, Hassan nous a joints et... c'est des locaux qui viennent d'être ouverts, il n'y a pas eu un coup de balai depuis 20 ans, les chiottes sont bouchées, il n'y a pas de lit, quoi. Bonjour. Enfin, ils étaient mieux devant la mairie du 18e, où c'était horrible, parce qu'ils étaient par terre, carrément, hein, sur le bitume, contrôle des flics pour laisser... Non, c'est pour dire, là où on en est, hein, les flics bloquant, les empêchant de partir. Obligation pour aller pisser dans le café qui est de l'autre côté de la rue, d'y aller deux par deux, accompagné par un soutien, mais pas plus de deux par deux. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Absolument. Tu sais pas, t'as beau te creuser la tête, tu comprends même pas le, tu vois, le sens de... Ils étaient dans des conditions épouvantables, mais ils l'avaient, entre guillemets, choisi. Ils n'ont pas choisi de venir de l'autre bout de la terre jusqu'à la mairie du 18e, ça non. Mais une fois à Paris, ils avaient choisi d'être là. Il y avait des endroits un peu plus commodes à squatter, mais ils ont choisi d'être là pour des raisons de visibilité. C'était des Soudanais, ils voulaient rester ensemble et se bagarrer ensemble. Et ça, c'est un choix de lutte. Donc là, c'est tout simple. On les soutient, mais ça se fait en même temps. Il y a plein de gens qui leur amenaient à manger. Tu vois, bon, ça pouvait pas se développer beaucoup parce que c'est très étroit le Paris de la mairie. Donc Ils étaient là au maximum et ils ont fait ce qu'ils ont fait tout l'été, tout le printemps, dans des lieux que tu connais peut-être ou dont tu as entendu parler, rue Pajol, au Jardin des Halles. C'est-à-dire qu'ils attendaient en gros que la jauge soit autour de 100 personnes et ils raflaient tout le monde. Et puis ça revenait et ils attendaient de nouveau. À chaque fois, en raflant tout le monde, en foutant à la benne, les matelas, les trucs, les machins qu'on a amenés, qu'il faut ramener pour les suivants. C'est bon. Et ça non plus, c'est pas fini. Hein. Je pense que ça va continuer très longtemps et c'est compliqué parce que les associations font chier, on marche sur la demande. Les partis politiques, notamment le Parti communiste. Il a toujours son pouvoir de nuisance. Ah oui, oui, oui, il a son pouvoir de... Alors, quelquefois, les rapports de force ont un peu changé, si tu veux. Et un soir, les gens du PC se sont dit, est-ce qu'on peut venir sans que vous nous tapiez dessus? On va voir, faut qu'on se réunisse, on va réfléchir. Ouais, non, mais c'est important à signaler, il y a des trucs qui ont un peu bougé, quand même. Et puis, il y a eu des bastons, et bon, voilà. Et ça va continuer, bien sûr. Et bon, on fait que, alors là pour le coup on est dans le concret, au niveau zéro du concret quoi, tu vois, hein, t'amènes à bouffer, de quoi se protéger de la pluie, des fringues, sauf qu'à force de vider les placards il n'y en a plus, forcément tu vois, et il y a, t'entends à la radio qu'il y en a 2000 qui viennent d'arriver, voilà, c'est encore dans le sud mais ben, ça va pas durer longtemps. C'est un vrai. Alors, il y en a qui sont bloqués à Vintimille et comme on est entre nous, on peut dire qu'il y a des copains qui les font passer. Il y a des vraies filières de passage maintenant, par individu quoi. Il y a des groupes qui essayent de passer et puis il y a des filières de passage pour des gens qui sont dans des situations particulièrement compliquées. Et du coup, il y a des gens du coin, des copains du coin qui les aident à passer, qui leur filent un billet de train, ils sont attendus à Paris, il y a tout un système c'est un peu fou d'en être là, quoi, tu vois, parce que quand on parle de ça, t'as l'impression d'être revenu à des heures sombres, comme on dit. Ouais, tu vois, où il faut convoyer des gens à travers la France. Qu'il y ait quelqu'un qui les attend à la gare à Paris, et machin, tout un truc. Mais voilà, ça va continuer certainement. Et simplement pour rebondir sur ce que disait la collègue, ce qui me paraît important dans le rôle d'intellectuel, c'est que par rapport à l'émotion, par rapport à tout ce système-là, c'est celui qui est quand même capable de prendre du recul et d'inviter à repenser le problème autrement. Alors, oui, c'est ça qu'on peut attendre. C'est pour toi que j'appelle moins d'intellectuels. Non, mais bien sûr. Et aussi, si tu veux, il y a le bon. Moi, j'ai une. J'ai dit pourquoi j'étais pas un intellectuel médiatique, mais j'ai eu une minuscule notoriété, tu vois. Je suis en librairie, c'est genre. Voilà, un peu. Bon, j'ai une micro-notoriété. Pas tout à fait comme le réfugié saoudien de base, ou même comme le militant, ou la petite militante du squat couverte de tatouages, tu vois, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des jours où les flics me tapent pas, il y a des jours où ils me tapent. La difficulté, c'est de consulter la météo avant de sortir pour savoir dans quel jour on est, quoi. Et c'est important. Quand on est à la petite place modeste où je suis, de pouvoir aussi dire les mêmes choses que les militants. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, quand il y a eu l'incendie du centre de rétention de Vincennes, j'ai fait un texte pour dire qui est pour dire incendiaire, j'en suis. Voilà, oui, ils ont raison. On est à leur côté. Tu vois. Et je peux me permettre de dire un certain nombre de choses un tout petit peu à la limite. Qui envoie d'autres copains au procès, quoi. Hein. Voilà. C'est sûr. Voilà. Donc j'essaye de profiter de ma petite marge de manœuvre sans trop l'excéder non plus, parce que si je peux éviter les gros emmerdements, je préfère. Mais voilà, je suis aussi un intellectuel grossier et injurieux quand il faut. On continue autour d'un verre. Alors, ben, merci de ta venue. Merci ces à échanges, vous. Il y aura encore plein de choses à raconter parce qu'on n'a abordé qu'un dixième des sujets. Oui. Mais... Donc, achat obligatoire et interro écrite dans 6 mois. Exactement. Merci. Merci à vous. On peut se régaler grâce à mes généraux là.